Bienvenue dans Ce soir c'est JDR, un podcast de jeux de rôle où des imprudents ont décidé de me confier leur sort pour quelques sessions aventureuses. Les imprudents de ce soir ont choisi de s'aventurer dans le système PBTA Monster of the Week. Leur groupe de chasseurs est composé de Vera, qui joue l'étrange Edna Ravenwood, Cerveau, qui incarne l'appliqué Daria Moore, et Bracard, interprétant le haut en couleur Richard Beck. Donc on s'était quitté la dernière fois sur une réussite. Vous aviez vaincu la menace avec malheureusement l'instigateur premier. En tout cas, ce que vous avez déterminé, c'était lui l'instigateur premier des événements qui avaient lieu, qui avait réussi à prendre la fuite. Bravo. Bravo à lui. Bravo. Ricky de son côté était passé pour le héros local. C'est normal. Et je crois que c'est à peu près tout événement d'importance. Ouais. Ah, peut-être aussi, c'est vrai. Excusez-moi, l'élu qui tue des gens sur les bords de route. Enfin, c'était pas important ça. Déjà, c'était pas des gens, c'était une cultiste. Hein. Déjà, voilà. il déshumanise ses victimes. C'est déjà une belle excuse de commencer à déshumaniser la victime. Mais, voilà. Ok. Et c'est tout. Faites attention si vous passez près d'une église, hein, parce que d'une certaine façon, on peut dire aussi que les catholiques, c'est un culte. Donc, méfiez-vous. Tenez-le. Tu veux nous faire des témoins de Jéhovah qui viennent sonner à la porte? Il nous a pas fait un black metal, attention, hein. C'est vrai. Mais il est ouvert à toutes sortes de musiques qui dans le même temps. Qui peuvent, oh, il y aura un Monster of the Fjord. On va commencer donc un nouveau mystère ce soir. Je pense que si on était dans une vraie série télé, il y aurait ce petit générique qui passerait avec des petites images des épisodes précédents. Donc on verrait forcément Ricky debout sur sa moto tentant d'effrayer un démon, Daria plongée dans ses livres pour trouver la solution d'un air docte, et Edna qui se fait posséder par une créature de sa propre volonté. Mais avant ce soir, on va commencer, bien entendu, par les petits pouvoirs d'avant-mystère. Je crois qu'il n'y a que Ricky qui a ça. Oui, enfin, je pense, à moins que quelqu'un ait un autre. Non, du coup, il n'y a pas de nouveau pouvoir, donc je crois qu'il n'y avait que toi. Donc tu peux y aller. C'est parti. Ça commence bien. Donc, un vague indice. T'es abonné au vague indice. Ouais, je sais. Toujours pareil, tu écoutes ton disque, c'est ça? Pareil, c'est ma source, c'est un peu ma source première où j'ai reçu les premiers signes de mon destin, on va dire. Hein. Donc oui, je suis toujours à l'écoute de ce tourne-disque et de ce disque en particulier. Tu vas pas voir d'images ou autre comme ça? A pu déjà t'arriver par le passé? Il n'y a pas une vision claire des choses. Vas juste avoir une sensation de froid. T'en es même pas certain, en fait, étant donné que il commence à faire froid, là, déjà en dehors. Ah merde. Donc, j'ai rien, alors. Mais tu as l'impression que ça vient de ça. Ok. C'est froid, c'est la seule sensation que j'ai, c'est vraiment que ça, quoi. Ok. Bon, fais des meilleurs jets. Hein. Oui, je sais, merci. Donc je dis juste, fermez la fenêtre, il fait froid ici. Ah, mais dans ma cave, il fait toujours un peu froid. Et c'est ainsi que nous partons sur une petite scène où vous n'êtes pas encore là. Ça se passe dans les bois, près de la forêt. C'est un peu comme si vous voyez une caméra qui fait un travelling au-dessus des bois. D'ailleurs, on voit cette portion de route avec un arbre un petit peu abîmé où il y a eu un léger accident à l'épisode dernier. Et on arrive sur une sorte de clairière avec un feu de camp, des jeunes qui se trouvent là, qui sont en train de faire la fête. Et on en suit deux qui s'éloignent et qui vont se baigner dans le lac qui se trouve un peu plus loin. Et alors qu'ils sont au milieu de ce lac, qu'ils ont l'air de se rapprocher, tout ça, teen movie presque classique et mièvre, on entend d'énormes hurlements partout, plusieurs. Et on reste sur ces deux personnages qui se serrent l'un contre l'autre au milieu du lac, sans plus aucune velléité d'intimité, mais vraiment en ayant la peur de leur vie. Et on va passer sur vous. Vous vous trouvez, je pense, dans le sous-sol de Daria. Complètement, je pense. Moi, je suis en train de... Oui, pardon, vas-y. Je suis en train de, si vous êtes d'accord, hein, de mettre des une fausse pub sur le van pour le banaliser, de genre une pizzeria, ce genre de choses. Non, c'est déjà pris, ça part des tortues. Je peux le faire passer pour un van à pizza. D'accord, donc tu camoufles le truc, ok. C'est ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Je vérifie que tout est bien. Vas-y. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou quelque chose sur le van? Oui, mais info qui donne genre sur un truc à la con. Okay. Bah, ma moto est à l'intérieur du van, je suppose, alors. La mienne aussi. Ah, ça a deux motos? C'est un bon van, hein. Ah ben, on a les thunes, hein, écoute. C'est un smirmorque. Ah ouais, là, parce que... En fait, hein. Le numéro donnerait sur un répondeur, juste, avec une fausse annonce, et il y a juste un répondeur derrière. Genre, ils sont absents, et en vacances, un truc comme ça. Mais c'est vrai que les deux motos à l'arrière du van, c'est plus chaud, juste hein. Un van. En fait, je pense surtout par rapport à la moto de Ricky, qui c'est un gros bestiau, bah il met ça à dedans. Mets la tienne, mettons. Ok, je mets la mienne. Non, la mienne, c'est pas possible. On prend un van de qualité, hein, quelque chose qui est de neuf et de robuste. Pas de problème. Avec trousse de premiers soins à l'intérieur, ce qu'il faut pour réparer la moto et le van. J'aurais profité pour bricoler un peu plus sur la moto, pour bien vérifier que tout va bien depuis l'accident, on va dire. Hein. La petite mésaventure dans la forêt, parce qu'elle avait pris un petit coup. Oh, ta moto va bien, hein. T'as peut-être dû redresser un petit peu la fourche et sans doute refaire un peu de peinture, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Ok. J'ai toujours le compartiment qui est intact où je mets ma hache et tout, donc ça va. Ma guitare. La même chose. Pas du tout. Moi je vois bien Edna avoir préparé de la limonade bien trop acidulée, c'est désespéré que personne n'en veut, plantée dans le jardin en train de regarder Daria coller les autocollants et de se ronger les ongles en la regardant en disant « plus à droite, à gauche, oui, là, parfait, non, Misty Gris, reviens par là, voilà ». Vous allez avoir, je sais pas trop exactement comment on est statué la dernière fois. Daria, tu as mis une genre de veille avec des notifications, des choses dans ce goût-là, pour les affaires un petit peu. Hein. Et là, vous l'aviez déjà vu depuis un moment, parce que ça fait bien une semaine de ça. Il y a eu des disparitions. Mais pas juste des disparitions disparates comme ça, c'est vraiment une quinzaine de jeunes qui ont disparu des bois et ils faisaient une grande fête. Il y a eu que deux survivants. Au début, les journaux parlaient de ça comme une curiosité, ça pensait plus à des blagues, etc., etc. Mais là, ça fait bien une semaine. C'est assez louche. Et tu vas encore avoir des notifications là-dessus, comme quoi c'est toujours pas réglé. Toujours pas réglé. Ah d'accord, oui. Et c'est pas qu'il y a eu de nouveaux disparus, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé la raison en fait. Ouais, c'est ça. Que ça commence à inquiéter et tes sites, tes alarmes vont aussi sur les sites un petit peu occultes pour des spécialistes, les sites complotistes aussi, j'imagine. Ouais, alors j'essaye quand même de. Oui, bien sûr, les deux d'avoir une certaine porosité, mais j'essaye quand même. Évidemment, de... tu les filtres. Je m'en doute bien, mais pour avoir une vue d'ensemble finalement. Et dans le monde. C'est pas le monde occulte en soi, mais dans le monde de ceux qui s'y intéressent un petit peu, tout du moins, ça s'active un peu. Il y a pas mal de théories qui fusent à droite, à gauche. Ricky, toi, ta sensation de froid et ton écoute, tu as quand même ancré l'impression que ça a un petit rapport. Ok, bah moi de mon côté, je vais faire des recherches sur internet sur ces jeunes, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire voir leur cercle d'amis, ceux qui ont disparu, noter des noms, voilà, de ce qu'ils font. D'où ils je l'y aide et je peux tirer une liste des disparus, leurs noms. Ça marche. Vous avez et je regarde s'ils venaient du même lycée. Pardon. Ils viennent tous plus ou moins du même lycée ou alors d'un lycée assez proche, quoi, des gens qui se fréquentent. C'est tout un cercle d'amis et ben, en fait, ils ont quasiment tous disparu. Leur cercle d'amis en entier, il y a juste les deux survivants. Ok. Bon, on a une sorte de profil social, c'est des. Quel genre d'études, quel genre de classe sociale? C'est études plutôt pauvres, clairement. Vous voyez que le lycée technique. Qu'ils fréquentent et tout, c'est entre le technique et le public, mais c'est pas les classes supérieures qui vont là-dessus. Hein. C'est très très loin de vous, clairement. On a la localisation de leur fête, l'endroit ? Vous savez que c'est dans la forêt. Alors, dans la presse, ça n'a pas complètement fuité. Tu peux me faire un jet d'investigation sur le mystère. Et Ricky, tu peux m'en faire un aussi. Comme vous tentez tous les deux là-dessus. Oui. Wouhou ! Énorme ! Un premier jeu. Ah, et on est en forme. On est en forme. Alors, tu voulais déjà savoir où était le lieu de la fête. Donc, tu vas réussir ça à trouver assez rapidement avec justement ces gens qui s'y intéressent, qui se posent des questions. Est-ce que c'est les reptiliens? Est-ce qu'ils ont été enlevés par des aliens? Toutes ces questions-là, pour toi, c'est vraiment de la bêtise, bien entendu. Mais c'est des gens assez assez nerveux sur le terrain et qui n'ont pas peur de se choper des amendes à droite à gauche. Donc ça a fuité sur certains forums. Tu as trouvé l'emplacement dans la forêt. Et je gagne 2 points de réserve. Si tu as d'autres questions en rapport à ça, tu peux y aller. Mais me paraissent pas RP quoi. Okay. Je peux pas Si tu n'en as pas de souci, tu les mets de côté. J'aimerais bien, mais enfin, je pense pas que de partir de là, je puisse demander ce qui s'est passé ou la bestiole a filé quoi. Non, forcément. Par contre, ce qui s'est passé, tu peux demander ce qui s'est passé. Après, infos que tu as, ça va être, tu t'en doutes, un peu plus partiel. Mais justement, ces gens qui se sont rendus là-bas, qui ont commencé à faire leurs recherches, il y a des traces. Ils ont trouvé des traces qui ont l'air animales. Des traces de griffes. Ça va corroborer avec certaines fuites de la police que tu as pu trouver. Ou en tout cas prétendument de la police, mais tu es plutôt sûr de tes sources. Qui n'ont pas du tout clos le côté attaque animale, c'est juste que ça faisait beaucoup quand même de disparus. Et ils ont trouvé des traces de griffes et des poils. Moi, je vous proposerais d'aller enquêter sur place, d'aller voir l'endroit vu qu'on a la localisation. Ah, Moi, je trouve que c'est une bonne idée, oui. Ah ouais. J'ai droit à une question, Scanning, peut-être qui pourra avoir Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose... La question, c'est il y a quelque chose de caché, mais je le vois plus. Est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui sont passées dans ce coin là-bas? Même question. Dans ce coin là-bas, exactement. Dans le passé, je parle. Ouais, j'ai bien saisi. Là où l'endroit qu'on a eu autour du lac, quoi. Est-ce que dans le passé, il s'est déjà passé des disparitions. Des disparitions ou des faits Parce que des faits, tu vas en trouver. C'est dans un bois près de la ville. Par exemple, dans le passé, il y a une femme qui a eu un accident de la route, pas loin, et on se pose des questions quand même sur les marques qui ont été retrouvées sur sa voiture. Enfin. Je pensais plutôt des faits. Ah oui, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, bah, mais si tu remontes dans le passé, tu vas trouver des choses. Dans le passé, je parlais pas d'il y a deux jours. Quoi. Non, mais même d'il y a pas longtemps ou en remontant très loin, tu vas trouver des choses. N'oublions pas que nous sommes dans Monster of the Week, donc votre ville n'est pas avare en phénomènes étranges et horribles. Donc tu vas forcément trouver des choses, mais il faudrait être un peu plus précis. Est-ce que tu cherches des meurtres, des disparitions? Des disparitions un peu dans le même style de ce qui vient de se passer, en fait. Des disparitions des gens qu'on n'a jamais retrouvés, quoi. Bien sûr. Pas des trucs qui se sont résolus, quoi. Il y a plusieurs cas autour de la ville. Alors, des disparitions, tu vas en trouver à cet endroit précis. Ouais, je parle au niveau du lac, hein, exactement. Au niveau du lac, précisément. Oui, de là où on sait que ça s'est passé actuellement. Donc oui, bien sûr, à cet endroit-là, exactement. Ok. Oui, les lacs, c'est une grande passion. Tu vas pas trouver de disparition, mais une histoire de serial killer, par contre. Ok. Qui s'est résolu ou qui... Qui s'est résolu. De ce que tu vas en trouver là sur cette recherche, un type qui a parcouru un petit peu la région et qui était réputé pour kidnapper ses victimes, leur faire subir diverses atrocités et en particulier les manger. Et il a été arrêté près de ce lac. C'est là où il a été arrêté. Apparemment, pour l'instant, il serait emprisonné dans une prison d'État. C'était à combien de temps? Ça date d'il y a combien? Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Ah oui, non, ça va. Ok, bah si on va sur place, si on se rend sur place, par contre, je vais emmener du matériel de plongée avec moi. Moi, vous verrez un truc assez rare, c'est que je prendrai l'épée d'argent que je garde vraiment bien verrouillée dans un coin. Oh, l'épée d'argent. Wow. Attention. Je la mettrai sous un tissu protecteur à l'intérieur pour le camoufler. Et je charge en même temps que la moto dans le van. Et dès que vous êtes prêt, on y va. Par contre, je propose qu'on y aille en journée, début d'après-midi. Oui, bien sûr. Hein. Bah oui, et comme dit, ouais, moi je prends un équipement de plongée avec moi. Et je prépare de quoi manger et boire au cas où c'est en train. Moi, j'essaierai de me renseigner s'il y a eu des histoires autour de l'école locale, s'il y a eu déjà des précédents, des disparitions au niveau de l'établissement scolaire. Alors, il y en a eu. C'est déjà arrivé par le passé. Certains ont été conclus comme étant des fugues. Certains, on a retrouvé leur corps. Il y a eu diverses affaires, mais c'est très large. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, ouais. Écoute. J'ai cru que je vous avais perdu parce que Rolvin a sauté à ce moment-là. Ça a rechargé en même temps. C'est honteux. La frayeur. Donc, non, des affaires de disparition, bah, c'est comme pour la question de Ricky, hein, je vais te dire, Edna, c'est un petit peu la même chose, sans être plus précis que ça, tu vas rien trouver de probant. D'accord. Donc, vous rendez directement là-bas? Oui. Vous n'allez pas avoir de soucis à trouver le chemin. Hein. Rick, il connaît bien. Je connais le chemin. Il en est fier en plus. Je m'y rends souvent. C'est flippant, il va vous montrer sa cache à cadavre. Et vous allez arriver près d'un lieu, que ce soit peut-être par vos connaissances personnelles de quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas, ou de vos recherches, vous trouvez facilement, parce que c'est aussi un spot pour les soirées des jeunes et des étudiants et autres. Donc ce lac-là est souvent parcouru par ce genre de population. Quand vous allez y arriver, par contre, ce n'est pas le cas. Il n'y a plus personne. Ça m'aurait étonné. Hein. Vous allez repérer un petit peu de signes qu'il y a eu une présence policière assez forte pendant le début de la semaine. Mais apparemment, ils ont déjà récolté tout ce qu'ils pensaient pouvoir trouver et ils ne sont plus là. Moi, je recherchais les traces de paille de griffe dont j'avais entendu parler dans mes recherches. Regarde s'il n'y a pas la vieille cabane qui est toujours au bord des lacs. Non, je cherche les traces de paille de griffe et de poils. Et pas moi. Ma vieille cabane. Bah, il te restait encore un... Je vais pas trop demander un investigate. Hein. Il te restait un point. Si je ne j'ai deux en réserve. Ouais. Bah, tu peux, du coup, de cette façon, les utiliser. Tu vas chercher un petit moment, malgré tout, mais tu vas finir par trouver, et en même temps, tu vas trouver les vestiges de plusieurs feux qui étaient là. Donc, le feu de camp, rien de très inquiétant. Et près des arbres, tu vas remarquer des traces de griffes qui sont directement dans le tronc. Ça a l'air profondément enfoncé tout de même. La créature qui a fait ça a de la force. Ça, tu peux pas le nier. Je vais prendre des photos, je regarde si je peux prélever, s'il reste des petits bouts d'os, de chitine, qui permettraient d'identifier. Os, chitine, rien du tout. Par contre, si tu utilises ton dernier point d'investigation que tu avais, tu vas pouvoir récupérer des poils. Ils sont assez longs. Ils ont une bonne longueur et ils sont entre le gris et le blanc. Ah, ok. Et Ricky, toi, de ton côté, tu cherchais quoi exactement? Alors moi, je regardais juste du regard, hein, s'il n'y a pas la vieille cabane habituelle qui est au bord du lac. Hein. S'il y en avait une, juste ça, hein, du regard. Non, hein, s'il y en avait non, une. Il n'y a pas de cabane, il y a un ponton. Il y a un ponton en bois, pas complètement au-dessus, c'est juste une avancée. Ouais, sur le en côté. Fait. Ouais, okay. C'est une petite avancée en bois mm-hmm. qui va un petit peu en avant sur le lac où tu peux voir. Ah oui, comme ça, ok. Tu peux voir accroché à ce ponton, il y a une barque. D'accord. J'ai vu que Daria a trouvé donc des empreintes. Est-ce qu'elle a trouvé des empreintes d'après elle? Qu'à un endroit d'une créature ou il y en aurait plusieurs? Alors là, pour le coup, c'est difficile à dire parce que vous venez une semaine après, ces traces sont là, ça a été piétiné et surtout, vous savez pas la créature combien de temps elle a passé là. Elle aurait pu bouger, faire plusieurs traces, etc. etc. Tu peux pas dater à l'œil comme ça. Faire de différence entre la teneur des poils que Daria a trouvé. D'accord, bah, je pense que je vais m'aventurer en forêt alors un peu, aux alentours. Avec ma guitare, bien sûr. Ah oui, ton petit côté mélomane. Oui, oui. Je pense que j'aurai un... Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, hein, je ne vais pas me balader avec les pics sortis et tout. Bon, dans la forêt. Ouais, mais bon, si je rencontre un passant, il va quand même commencer à se poser des questions. Moi, hein. J'ai mon magnum et mon épée dans le dos. Hein. Ouais. Non, ah, mais, pardon. Et quand même, Ricky, je te rappelle que t'as essayé de rentrer dans une boîte select, tout équipé. Oui, mais j'avais pas et là, maintenant, t'es au milieu des bois et tu te poses des questions sur la discrétion. Mais j'avais pas ma hache guitare dans la boîte, j'avais juste mon maquillage et tout. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez changer d'élu? Non, mais c'est quoi cette connerie? Non, mais je pense que j'ai juste un étui hein, pour. Mais après, je me balade, donc je vais aller dans les bois, explorer un peu aux alentours si je trouve quelque chose. Je sais pas ce que je cherche pour l'instant, si c'est des traces ou n'importe quoi, des bouts de vêtements peut-être, je cherche. On se passe un takiwaki, au cas où. Yep, ça marche. Et moi, j'essaierai de suivre les traces de griffes, voir si ça peut délimiter un chemin, une piste, une direction. Ok, tu vas pas trouver de chemin, vraiment. Par contre, tu vas le comprendre assez rapidement. Ces griffes, ça s'est trouvé tout autour de la clairière. Juste les arbres à l'orée, ils ont tous été comme marqués. Tu sais pas si c'est... si la créature a griffé là comme ça pour marquer un territoire ou... par pur énervement pour se contenir ou peu importe la raison, t'as pas d'idée, mais tu vois que la plupart des arbres qui font le tour de la petite clairière ont été marqués. Tu peux faire des suppositions. Tiens, je vais faire, pour faire plaisir à Braque, un petit dessin. Ah oui, un dessin. Alors voilà le lac. Magnifique. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des arbres autour. Attends, regarde, je te mets même un pas planton. Pas loin, vu la couleur de l'eau, non? Il y a une? Une usine, pas loin, vu la couleur de l'eau, là. Et ça va, commencez pas, madame. J'en ai raté ma petite planche de ponton, alors hop, ce sera la barcasse. Une barque aussi, au cas où. Ouais, bah, elle est là, c'est ça. Hein, hop. Et pas de cabane, mais il y a une barque. Le tour de la clairière, c'est un peu comme ça. Hop, il n'y a rien de très précis. Et sur tous les arbres que tu vas voir, et pour faire un petit exemple, on va juste... Voilà, imaginons que ici, ce soit un arbre. Je ne vais pas tous les faire. Merci, monsieur. Sûr. Mais les marques se trouvent de ce côté-là. Ouais, donc il est arrivé un peu comme là-bas. Si, mais surtout que vous les avez tout autour... Un peu comme partout. Si la créature avait fait vraiment le tour et avait observé ce qui se passait dans la clairière. Ah ouais, parce que là, je vais faire vraiment le... Parce que là, pour être sûr, je vais vraiment faire tout le tour, vérifier si les traces de griffes sont vraiment sur tous les arbres autour. Tu peux nous mettre sur le dessin les feux de camp où on les a trouvés, là où se faisaient la fête les jeunes. Ok. Moi, je fais tout le tour. Je vais vérifier s'il y a un endroit où il n'y a pas les traces, c'est là que je m'arrêterai. Oh, magnifique feu. Il se déplace, par contre, c'est un peu inquiétant. Écoute, je le place. Déjà, t'as vu, je l'ai vachement bien dessiné. Ouais, je trouve aussi, fait main, comme ça, avec des... Tu l'animes en temps réel et tout. À main levée, comme ça, bien sûr. Ouais. M'émeut. Là, mais ça brûle beaucoup dans le coin. Il voilà. Y a à peu près 3 feux de camp, on va dire. C'était des gros feux, hein, mais il y a sans doute quelques traces d'autres feux plus anciens, mais les derniers, qui avaient sûrement lieu à cette fête, se trouvent par là. Ok, donc là, quand j'aurai fait le tour, je sais pas si de ce coin-là, est-ce que je trouve aussi des marques? Le coin où il n'y avait pas les feux? Donc là où il n'y avait pas grand monde, je suppose. Alors, il y en a moins de ce côté-là, effectivement, mais tu vas en trouver quand même... quelques-unes de ce côté. D'accord. Bon, bah, c'est ce que je vais faire pendant un moment. Je vais faire un tour et après je vais m'écarter plus, voir si je vois des traces sur les arbres plus en profondeur dans la forêt et si oui, je suivrai cette trace. Mais voilà. C'est ce que je vais faire pendant, je pense, ça va me prendre un peu de temps. Fais-moi un petit jet d'investigation là, c'est juste pour avoir ton score. Hein. Il est beau, il est moche, c'est un 9. Il est moyen, on va dire. Il est beau moche, hein, donc c'est... Ok. Tu vas repérer quelques traces, t'es pas certain d'à qui ça peut appartenir, et vu le passage qu'il y a eu, bien entendu. Mmh. mais qui ont l'air de venir en s'éloignant. Non, ok, bah je vais suivre cette trace. Les autres. Daria, Edna. Je vais laisser parler Edna, elle a eu l'AFK. Vas-y, Edna. Fais. Est-ce qu'il y a des morts? Ah oui, car... Ben oui, je cherche s'il y a des esprits, des fantômes. Voilà, on ne sait jamais. Ah, tu essayes de communiquer donc avec les esprits, peut-être? Et oui, j'utilise The Sight, qui me permet de voir les esprits, les choses invisibles. Ça m'a si bien réussi au précédent scénar. Eh ben, oh oui, oh oui, possédez-moi. Il aime bien la possession. Oui, oui, ça lui plaît bien. Ok. Tu fais ça comment exactement? Alors écoute, il n'y a aucun G qui est marqué. Je parle vraiment là. Qu'est-ce que là fait Edna pour essayer de communiquer avec des fantômes? Je vais essayer différents endroits que je sentirai plus ou moins chargés d'énergie, ou moi, Edna, je sentirai des points émotionnels. Voilà, j'essaye de chercher si, un peu comme de la psychométrie, en posant ma main sur certaines pierres ou sur le ponton ou sur certains arbres dans la forêt, pour essayer de rentrer en contact avec des esprits, soit de la forêt, soit des pauvres âmes qui auraient trépassé. Ok. Quand tu vas aller vers le ponton, tu vas sentir quelque chose. Tu vas pas voir tout de suite. Et alors que tu te dis non, tu as rêvé, c'est pas possible, il y a une main qui d'un coup va sortir de l'eau, juste au bout du ponton, et elle va claquer sa paume. La main est livide, et tu vois le long de son avant-bras, il en manque des morceaux. Pas comme si, pas comme si c'était de la pourriture ou quoi, mais comme si on avait déchiré sa chair, il en manque des morceaux. Le corps va pousser sur ses bras et s'extirper. Tu vois une longue chevelure noire qui pendouille devant le visage que tu ne peux pas apercevoir pour le moment. Donc Edna serre quand même bien les fesses, hein, devant cette vision de bonheur. Le but, c'est pour elle de suite, quand elle voit qu'il manque des morceaux, si la seule chose, c'est de tenir pour voir si c'est des empreintes de dents. S'il y a eu du cannibalisme dessus. La jeune femme, parce qu'apparemment c'est une jeune femme, tu vois qu'elle a une robe complètement ruinée par le temps et l'eau, finit de se hisser et tu vas voir au bout de ses jupons, ses deux jambes livides qui dépassent, qui ont encore plus de marques. Et elle va s'approcher de toi, tu ne vois toujours pas son visage. Je fais des grands moulinets de main qui s'activent de bas en haut vers Daria. Daria ! Daria ! Daria ! Il y en a une ! Daria ! Daria, je me rapproche, j'essaye de voir quelque chose d'invisible, donc, je pense. Ouais, tu ne le vois pas du tout. Si Daria s'approche, je la chope, je dis « J'ai une morte !» Alors que tu te tournes vers Daria, tu la chopes, justement, tu tournes la tête comme ça pour lui dire, et d'un coup, tu vas, juste pour revenir à cette vision, et c'est comme si tu ne l'as pas entendu, pourtant tu as bien entendu sa main humide, tu as reconnu ce bruit particulier que fait quelque chose de spongieux qui a claqué sur le pont, et là tu ne l'as pas entendu du tout s'approcher, elle se trouve à 2 cm de ton visage au moment où tu retournes la tête. Je fais un saut de protection autour d'Edna. Elle va lui vouloir enfermer avec un esprit, c'est super. Non, de protection. Effectivement, étant donné que Daria ne voit pas, tu vois qu'elle commence à tracer un saut de protection autour de toi et du fantôme. Attends. Elle est enfermée. Elle a le nez collé. Si si j'entends Edna me dire ça, avec la magie, j'ai des trucs qui me permettent de faire des sauts pour tenter de communiquer avec quelque chose. Je me dis, si jamais elle parle à un esprit, est-ce que je peux tenter de faire un saut pour qu'il permettrait de communiquer avec les morts? Comme je la connais, Edna. Je sais qu'elle parle avec des esprits, donc de par la relation qu'on a eue où j'ai pu l'aider à tenter de mieux contrôler ses pouvoirs, est-ce que je peux tenter de faire un saut qui permettrait de communiquer avec des esprits d'outre-tombe? Ouais, après ça dépend comment tu vois la chose. Est-ce que ça te permet à toi de faire ça ou est-ce que tu veux en quelque sorte booster Edna? Ou la rejoindre bah, Edna, dans cette paraît, vision. Elle a pas l'air vachement à l'aise. Donc si c'est pour la booster, je sais pas si ça lui ferait du bien en fait. Donc plutôt quelque chose qui permettrait un dialogue, que ce soit vis-à-vis d'Edna ou vis-à-vis de moi, avec la créature, qui permettrait soit de qu'on entende parler, soit qu'elle puisse déplacer des objets qui nous permettraient de indiquer quelque chose. Mais de créer un lien de communication avec l'esprit en fait, quoi, de manière générale. Ça, tu sais que je peux communiquer avec les morts, leur parler. Fais-moi un jet de Weird. Parce que du coup, étant donné que oui, Edna peut déjà communiquer avec les morts. Rejoins-nous. Ça va être plus dans cette idée. Ouais. Oh, ce soir. Tu nous as rejoints, bravo. Je vois la vision d'Edna aussi. D'un coup, effectivement, tu vas activer tes petits trucs. Moi, si j'ai une pierre, je trace un saut autour et puis voilà. Ouais. Et alors que tu relèves la tête, tu vas voir qu'il y a cette femme. Assez jeune, premier abord. Tu ne vois pas son visage non plus. Qui se trouve nez à nez avec Edna à 2 cm d'elle. Et maintenant, elle a levé une main qu'elle te présente paume ouverte. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de te calculer, Daria. Cette défunte lève cette main et tu vas voir, il y a un espèce de trou dans la paume. Tu vois un os, tu vas même voir un petit ver qui passe. Madame, je vous présente toutes mes plus sincères condoléances pour ce qui vous est arrivé. Sachez déjà que vous avez toute l'émotion qui me remplit actuellement et Dieu sait que je suis très très très très remplie d'émotions. Avez-vous été témoin de ce qui s'est passé récemment? Partie prenante peut-être. Elle va baisser sa main et de son autre bras elle va relever ses cheveux. Et tu vas voir son visage. Daria, tu vas voir aussi ce visage. Il lui en manque la moitié du bas. Elle n'a pas de langue. Ça ouvre juste sur une gorge déchirée. À partir du nez. Tu vois juste les dents du haut. Si je suis à côté, je me présente aussi d'une manière très très polie. Je lui dis qu'on est là pour tenter de l'aider à trouver le coupable et j'essaye de poser à ses pieds un des bloc-notes que j'ai toujours avec un crayon. Elle te regarde, elle regarde le bloc-notes et je vais vous demander à toutes les deux, Daria et Edna, de me faire un jet de Weird. Bah, dis donc. Ils sont doux. Donc elle regarde le bloc-notes, elle te regarde toi, elle regarde Edna, et elle va se tourner vers toi, Daria, et d'un seul coup, ses deux bras partent et ils vont se plaquer de chaque côté de ta tête, sur tes oreilles. Lui, elle peut pas écrire, la dame. Je pense qu'elle ne peut pas toucher le bloc-notes. Daria ne t'entend pas à ce moment-là. Elle va juste avoir des flashs. Des flashs de peur, vraiment. Où elle est à la place de cette femme. Elle est en train de courir à travers les bois. Et elle est poursuivie par quelqu'un. À travers ces quelques flashs, tu vas aussi comprendre qu'elle a déjà ses blessures. Elle a été, et là, tu le vois clairement derrière, les crânes d'Edna sont là. Elle a été mordue. Les bras, les jambes, le torse. Et tu vas apercevoir le visage de l'assaillant. Comme si elle le revivait elle-même par flash à ce moment, alors qu'elle court, qu'elle essaye de fuir. Tu comprends qu'elle a réussi à échapper à son agresseur. Et cette tête, tu l'as déjà vue. Vous l'avez déjà vue, en tout cas. Quand Ricky vous a montré ses recherches, c'est la tête du serial killer. Et en arrivant vers le lac, elle pense enfin être à la Bairie, trouver des gens, mais il n'y a personne. Elle se retourne vers les bois et tu as cette peur, tu la ressens vraiment, Daria, au moment où il y a cet homme qui n'a pas l'air de grand-chose d'ailleurs. Il n'est pas très grand, il n'est pas très musclé. Et pourtant, en quelques bonds, c'est l'image qui te vient en tête parce qu'il ne court pas, il a l'air vraiment de bondir. Et il va la rattraper. Il l'attrape par le col et tu le vois lever une main dans la nuit qui va s'abattre sur le visage. Et là, ça va, juste la vision va s'arrêter à ce moment-là. Et tu vas être projeté sur le pont. Il a une forme purement humaine ? Il a une forme purement humaine. Parce que je lui dis qu'il a... Donc elle a déjà des morsures, qu'elle lui arrache la gueule du visage, enfin la moitié du visage avec une main, il n'a pas de griffes, de poils, de... De ce que tu en as vu, rien de tout ça, mais une force surhumaine. Est-ce que ça m'évoque quelque chose vis-à-vis du passé de ma famille ? Est-ce qu'il y a des ressemblances ? Tu pourrais en trouver, mais ce manque de forme étrange te perturbe. Mais en termes de puissance, en termes de ce que tu as ressenti comme de la bestialité, ouais, il y a quelque chose qui t'y fait penser, effectivement. Bah, si la vision s'arrête, je suis vraiment pas bien. Ah mais là tu es tombé, quand la vision s'arrête, tu es sur le cul, sur le pont, à côté d'Edna. L'apparition est toujours là, elle se tourne vers toi, Edna. Ça va, Daria. Je me doute de ce qui s'est passé, mais... Qu'est-ce que t'as vu ? Je dis tout ce que j'ai vu, mais d'une manière, je suppose, un petit peu trop rapide et pour être totalement intelligible. Et par contre, l'épée que j'avais dans le dos, toujours emmaillotée dans du tissu, je la pointe vers personne, hein, mais je la garde en main et je regarde aux alentours d'un air vraiment pas rassuré. Ok. L'apparition se tourne donc vers toi, Edna, et elle relève encore sa main trouée. Je m'approche pour regarder plus près, en fait. De quoi, sa main ? Oui, pour voir s'il y a quelque chose dans la main plutôt qu'une direction. Plutôt, voilà, j'essaye de regarder si elle montre quelque chose ou si c'est la main en elle-même qu'elle veut montrer. C'est la main en elle-même qu'elle te présente. Tu le comprends, elle attend que tu lui la prennes. Oui, mais c'est ce que je vais faire, je vais prendre la main. Et je vais passer sur Ricky qui se balade dans les bois de façon bucolique. Écoute, hein, tout va bien. C'est vrai. Un peu cette fois. Tu es en train de suivre ces traces de pas. Et tu vas tomber sur un type. Je vais te demander d'ailleurs... Un petit jet d'abord, parce que est-ce que tu vas lui tomber dessus ou est-ce qu'il va te tomber dessus ? Ce serait bon à savoir. Ben, j'ai de quoi ? Alors, sur quoi tu vas me faire ça ? Attends, faut que je rouvre mes fiches. Si on se casse la gueule, c'est du coriace. Non, non, non, on n'en est pas là. Ah pardon, je croyais que c'est... tu me dis on va se tomber dessus. Je dis putain bon. Okay. C'était une façon de parler. Tu vas tomber nez à nez avec cette personne. Ah. Je ne sais plus du tout les. Tu vas regarder sur ta femme. Hop. Non, ce serait plutôt un sharp, je dirais. Sharp, c'est. Futé. Ah, futé, ah bon? Ok, bon, ouais. Si t'es assez attentif à ton entourage, tout ça. Reiki est toujours attentif. On a vu mieux, mais ça va. Je suis quelqu'un de moyen ce soir. Alors, effectivement, vous allez vraiment tomber nez à nez au détour de deux arbres. Et il y a ce type qui, clairement, de par sa tenue, a l'air d'être un garde forestier. Ah, et il a un fusil sur l'épaule. Et, quand il te voit, il sursaute. Toi aussi, t'es un petit peu étonné de tomber avec lui. Tu portes quoi sur toi à ce moment-là, du coup? Bah, j'ai mon étui à guitare, où il y a ma guitare dedans, quoi. Ok. Et il va te braquer avec son fusil. Hein. Vous faites quoi ici, là? Qu'est-ce que vous faites? Je fais mon travail. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ben rien. Je suis dans la. Je me balade dans le coin. Vous savez pas qu'il y a eu des disparitions dans le coin? Et vous venez vous balader comme ça, vous? Vous savez, ça me. Ah, je... Disons que ça. Justement, il y a personne et voilà quoi. On peut se balader tranquille au moins quoi. Et puis c'est pas le genre de truc qui, disons que. Ah, j'y crois pas, ils sont juste allés se planquer, les jeunes. J'essaie de le persuader que je suis là vraiment, j'en profite qu'il n'y ait pas grand monde dans le coin. Vous pensez honnêtement qu'une douzaine de jeunes sont partis se planquer depuis plus d'une semaine? J'en sais rien, moi. En tout cas, on craint rien, là, de toute façon, y a rien, on est en pleine journée. En plus, il y a des gardes forestiers partout, comme vous, qui nous assurent la sécurité. Alors, je vois pas ce qu'on pourrait craindre dans le coin, quoi. On n'est pas moins à l'abri ici que sur la route. Hein. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît. Oh, bordel de merde. Full charmant, mais pas vraiment. C'est raté. Il baisse pas encore son fusil. Tu vois, il te tient toujours. Alors, il le met plus sous le nez. Il a baissé un peu le canon, mais il est toujours braqué dans ta direction. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis le seul garde forestier encore pour l'instant sur le coin. Vous croyez qu'avec les coupes budgétaires qu'on a, on peut se permettre de venir patrouiller à 15 là? Écoutez. Bravo, vous faites bien votre travail. C'est vraiment pas le moment, je pense, que vous devriez rentrer chez vous. D'accord. Vous avez aucune idée de ce qui peut se trouver dans ces bois. Pourquoi vous savez, vous? Si je le savais, je pourrais pas vous le dire. Bon, bah, je vais retourner vers le lac. Hein. Vous allez où, voilà, comme ça? Le lac, il y a ma moto, quoi. Excusez-moi, vous m'avez dit que je devais partir d'ici. Et vous avez fait rouler votre moto à travers les bois jusqu'au lac. Moto, quoi. Ah oui, je passe un peu partout avec. Hein. Eh ben écoutez, monsieur. Comment vous avez dit que vous appelez? Riki. Je crois que je vais vous accompagner et que vous allez avoir droit à une petite amende. Hein? Pourquoi? C'est pas un terrain de motocross ici. Mais j'ai vu aucun panneau qui interdisait. Il y a un parking plus haut. C'est pas fait pour les chiens. Vous croyez peut-être au-dessus des lois? Allez, on avance maintenant. Et il me braque toujours là? Ah, il te fait un signe avec son fusil. Non mais vous pouvez arrêter de me braquer ou ça disons que ça m'inquiète un peu quoi. Il te regarde un instant, et puis il baisse son arme, il la tient toujours en main, il te fait un signe de tête pour que t'avances. Oui, mais ça m'en fout, mais juste qu'il arrête de me braquer, quoi. Putain. Effectivement, bon, bah, vous bon, n'avez pas précisé où vous étiez garé, mais là, on a Ricky qui vient de dire qu'il avait été au lac, jusque-là, d'ailleurs, avec sa moto. Ah oui, c'est ce qu'on pensait, quoi. Ça dépend, est-ce que ta moto est vraiment là ? Tu as pu la garer, bah, sur le parking ? On n'a pas vraiment décidé d'où on était, donc si ma moto est capable d'aller jusque-là, oui, je suis allé jusque-là avec ta moto. Ta moto est tout à fait capable d'aller jusque-là, bien sûr. Ah bah oui, je suis allé jusque-là avec ma moto, ça c'est clair et net, alors oui. Eux, je ne sais pas, mais moi, oui. Hein. Ça marche. Donc, bah, il va te raccompagner jusqu'au lac. Pendant ce temps-là, Edna, tu prends la main de cette créature. Oui. Il va se passer un truc assez étrange. Tu vas avoir parti, mon kiki. Un ressenti, un peu comme la dernière fois, avec cette ombre qui était rentrée en toi. C'est comme si tu absorbais cet esprit. Daria, de ton côté, tu vas le voir alors qu'elle lui tient la main. Elle a l'air de serrer très très fort. Et elle va commencer à disparaître de plus en plus. Edna, elle a les yeux révulsés. Oh, Daria, ça commence. Et l'esprit va disparaître à l'intérieur de toi. Je vais te demander un petit jet à toi aussi. Tu vas me faire un petit tas. Et voilà. Tu vas juste perdre conscience pour le moment. Donc okay. Daria, tu te retrouves au moment où tu te relevais peut-être, au moment où Edna va s'écrouler. Je suis vraiment pas bien, je garde mon épée de fer. Non, je suis obligé de. Je suis pas assez coriace pour. Je range mon épée, mais limite à la ceinture en fait, hein, pour l'avoir proche ouais. de. Et au moment où tu ranges ta ceinture et où, avec Edna à tes pieds, il y a Ricky qui va arriver avec un garde forestier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Vous avez bien qu'on a besoin d'aide, mon ami, ça vient de s'évanouir. Toi, t'es encore loin. Il dit ça à Ricky. Justement, il dit, vous connaissez ces gens-là? Pourquoi elle a une épée, là? Quoi? Mais non, mais je suis arrivé, il n'y avait personne avant. Voilà, vous ferez mieux de vous inquiéter de gens comme ça, pas de moi. Eh bon, avancez, on y va. Ma moto est juste là-bas, je peux aller jusqu'à ma moto. Non, je non, m'en non, vais, non, hein, non, bon. Personne ne bouge tant qu'on n'a pas élucidé ces conneries. Et il va te faire signe d'avancer et vous allez rejoindre Daria et Edna jusqu'au pont. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous allez bien, mesdemoiselles? Mais Ricky, mais arrête tes conneries, tu vois bien qu'Edna est dans un sale état. Moi, je suis en train. Aide-moi à la relever! Le garde forestier s'agrippe à son fusil et se retourne vers Ricky. Vous foutez de ma gueule depuis le début, c'est ça? C'est quoi cette histoire? Ah, mais je voulais pas me taper une amende plus grosse, punaise, c'est normal, je voulais juste me barrer. Vous savez bien que vous voulez me mettre une amende, là. Vous faites partie de ces espèces de gens qui croient aux trucs satanistes et tout, et qui viennent là sur les lieux bizarres pour faire des trucs encore plus bizarres, c'est ça? Sataniste, est-ce que vous voyez des trucs satanistes, espèce d'ignore? Oh là là, moi, je suis en train d'essayer de ramasser Edna et de ramener vers Je m'accroupis à côté d'Edna, je la porte. Qu'est-ce qu'elle a, votre ami, là? Ben j'en sais rien, je viens d'arriver. Il vient de s'évanouir. Je la porte. Il va attraper le Toki qui est juste accroché sur son poitrail. Oui, Central, il faudrait envoyer une ambulance par ici, on a un problème. Vous n'allez pas entendre la réponse, c'est un peu trop bas pour vous. Il s'est tourné sur le côté. Vous êtes sur le ponton, lui il s'est tourné du côté du lac, en fin de compte, et il lance son appel. Bon, y a des secours qui vont venir, donc on va s'occuper de votre ami, mais il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous faites sur le lieu d'une disparition, et avec des armes en plus. Je n'ai pas d'armes, monsieur, ça va pas ou quoi? On est en Amérique, on a le droit de se protéger. Avec une épée. Et toi, le petit malin, s'il te plaît, il pointe son doigt vers Ricky. Tu te calmes tout de suite parce que je peux te dire que l'amande, oui, elle va être salée. Ce sera une amende comme une amende. De toute façon, je m'en fous. J'ai de la thune. D'ailleurs, je retourne vers ma moto. Hein. Elle est où la camionnette? Garée au parking. Daria respecte les lois. Elle est bien garée. C'est le bien van, ce que je pensais. Moi, je prends le pouls d'Edna. Hein, et je lui donne des délicates gifles. Je suis assez inquiet. Il va s'agenouiller avec toi hein, vers Edna et commencer à voir. Il est occupé avec Edna, là? Oui. Le garde. Je vais en moto, moi. Tu démarres et tu te casses? Ah non, je vais juste vers la moto, je démarre pas. Non, mais j'avais déjà pris en compte que tu étais parti vers ta moto. Tu es tellement parti dessus. Je vais ranger ma... Tu sais quoi? Mon étui, je vais le remettre sur ma moto, enfin, caché dans ma moto. Parce que s'il y a une police et les flics qui arrivent, je veux pas qu'on me trouve avec ça. Ça marche. Donc je vais la planquer. Ok. Et je reviens après Véreux, bien sûr. Ok. Je fais mine d'aller chercher un kit de premier secours que j'ai sur ma moto, bien sûr. Tu vois, Daria, qu'il essaye de prodiguer des premiers soins, de voir ce qu'il y a, mais pour l'instant, Edna ne se réveille pas. Et elle a un pouls, elle respire. Complètement régulier, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, ce qui, pour le coup, inquiète plus le garde forestier qu'autre chose. Mais vous faisiez quoi, là, exactement, ici, là, entre vous et moi Je parle pas de l'autre clown là-bas et de sa moto, mais... J'ai entendu, c'est le gars qui... Oh. On a entendu parler de disparition et... on s'inquiétait parce qu'on est aussi jeunes, on a déjà passé du temps ici, donc on venait voir de quoi il s'agissait. Et on a trouvé, vous avez vu ces traces de griffes autour des arbres là? Bien sûr. Allez, je lui montre. Hein. C'est pas les premières qu'on a. Je vais me faire un jet de charme et je vais faire un tout petit AFK. Je vais faire un AFK bio aussi rapide. Je fais le jet en attendant. Il a pas besoin de faire le jet, il se dit, tiens, le mec. Oh, c'est bon. Oh là là. T'inquiète pas. Putain, full charmant ce soir, c'est pas trop ça. Hein. Oh, c'est pas grave, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Mais non, ne pleurez pas, c'est pas votre faute. J'aime bien comment Baron a transformé mon perso qui voyait les spectres en full possession. Ça veut dire qu'il y aura un esprit, on va devoir l'affronter dans ton corps, c'est super. Ben voilà, mais au moins, et ça a le mérite d'être piégé quelque part. Oui, on peut voir ça comme ça. Après, on met un saut de protection autour de ton corps et c'est bon. Après, voilà, c'est fini. Heureux. Donc, un bouchette. Il a magnifiquement échoué. Hein. Je reviens bien sûr avec un petit guide de secours basique, hein, un truc qui rentrait sur mon moto. Hein, et le garde forestier va te prendre des mains pour s'en servir et essayer de faire revenir Edna à elle. Non, il va pas toucher Edna, oh mon dieu, la pauvre. Edna, de ton côté. Oui. Tu vas voir toi aussi à travers les yeux de cette défunte. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais tu vas pas voir les instants de sa vie avant sa mort. Ce qu'elle va te montrer, clairement, c'est ce qu'elle a pu apercevoir le soir de la fête. Ah, parce qu'elle hante ce lieu où elle est morte. Elle hante le lac, tu le comprends. Et elle a vu deux jeunes venir se baigner cette nuit-là. Elle a entendu les hurlements. Et à travers ses yeux, tu ne vois pas exactement ce qui a pu se passer. Par contre, tu vois ces deux jeunes qui sont terrorisés. Et tu vas apercevoir des yeux, ou en tout cas des points lumineux, qui brillent dans le noir autour du lac. Tu les vois bouger à droite, à gauche. Tu en vois s'approcher du lac. Apparemment, comme s'ils avaient aperçu quelque chose et qu'ils venaient pour s'en assurer. Et tu vas comprendre... Ils sont nombreux ? Il y en a 5 à peu près. D'accord. 5 paires. Et tu vas comprendre qu'à ce moment, l'esprit les a plus ou moins protégés. Que si elles n'avaient pas été là, peut-être qu'ils auraient été aperçus. Et que la douzaine de disparus aurait encore un petit peu grossi. D'accord. Et par ce biais, tu vas aussi comprendre que la mâchoire inférieure de cette défunte se trouve au fond du lac. Et qu'elle est comme attachée ici à cause de ça. Et tu vas te réveiller. Alors que Daria nous a fait un jet full charmant. Exactement. Et on se cherchait, si tu me le permets, je pense que mon personnage est assez, par le passé familial et tout ce que ça peut lui ressembler ici, elle est vraiment très, très à vif, très sur la défensive, toujours en train de regarder aux alentours, assez à cran. Ouais. Et elle n'a plus du tout la politesse de la bonne éducation. C'est ça. Et c'est pour ça que, du coup, tu le vois clairement hein, sur la tête de ce garde de chasse. Il a pas du tout confiance en ton histoire de « on est venu la jeune », etc. Il sent qu'il y a un truc de louche. Mais il n'arrive pas exactement à cerner quoi. Il vous fait absolument pas confiance, à Ricky et à toi. Les transgris, vous dites que ça fait longtemps, mais vous avez rien fait contre ? Il y a des disparitions et vous laissez des créatures rôder comme ça, là ? C'est une forêt, madame. Il y a des forêts avec des griffes comme ça, mais c'est une créature qui fait des griffes comme ça. Juste un animal, hein, c'est sans doute un ours. Un ours, vous êtes de ma gueule, vous avez vu la traille et vous avez vu les poils que ça laisse ? Oh, j'ai vu beaucoup d'ours. Il y en a des très gros. On se garde pour le chasser ? Ces animaux ne sont pas dangereux habituellement. Il y a sans doute quelque chose qui les a excités. Ce n'est pas première fois que ça arrive. Vous avez peut-être entendu parler des événements qu'il y a pu avoir par le passé, quand on a réussi à coincer ce foutu serial killer. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un animal, ça. C'est un serial killer qui existe des ours, mais vous allez bien ou quoi ? Il se passe des choses étranges quand on est au contact avec les animaux. Croyez-moi, j'en ai vu plus d'un ici se comporter un peu bizarrement. Il y a certaines nuits même où il fait très froid, où la plupart des animaux semblent se méfier, se cacher. Eh bien, comme les animaux, quoi. Des nuits où il fait très froid. Il a un mono-sourcil, le gars. Quoi ? Attends. Quoi ? Est-ce qu'il a un mono-sourcil ? Comment ? Allons voir ça. Pourquoi on en est arrivé là ? Daria est la haine du monosourcil à plus 5. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, père, il a un monosourcil léger. Il meurt. C'est chaud. Pourquoi ? Mais pourquoi ? On est en quelle saison ? Là, c'est le début de l'hiver qui commence à être très rude. Les températures ont chuté là depuis quelques jours assez drastiquement. Il neige pas encore, mais il y a des chances que ça vienne. J'attends qu'il parle avec, qu'il dépasse son attention directement sur moi. Et est-ce que tu me permets d'avoir, de parler des problèmes familiaux, un truc en argent, genre un porte-clés en argent, un petit truc comme ça ? Oui, sans aucun problème. Je lui apposerai sur la peau. Alors. Au moment où son attention n'est pas sur moi, je lui apposerai sur la peau. Justement, sur la peau nue. Edna va se réveiller, tout ça, sauf que sur la peau nue, c'est un garde forestier, il fait très froid, il est là, il a des gants, il est équipé, donc la seule peau nue que tu vois, c'est son cou ou son visage. Comment tu procèdes ? Ah, le premier truc visible, hein. Là, Daria, elle est pas. En mode sourcil, justement. Donc, tu lui plaques, c'est quoi que tu as en argent? Ben, je vois bien, limite, le. L'épée. On a pas. Non, mais non, justement, quand même. On n'a pas déterminé ce qui faisait la fortune de la famille Moore, mais je vois bien, tu sais, un porte-clés d'entreprise. L'entreprise familiale avec le blason de l'entreprise. Ce genre est-ce de porte-clés. T'es en train de me dire que c'est un décapsuleur CGT, mais en argent. Non, dans une famille wasp anglaise, j'imagine mal de la CGT. Et je sais pas si c'est un symbole familial à la con, genre un petit blason dans l'entreprise et en porte-clés, en argent, et ouais, je lui appose sur le visage, sur la joue. L'air méfiant. Et j'observe la. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à dire que ce symbole, ce serait une plante, genre ça peut être ça, si tu veux. L'aconite Tulou, par exemple. Parfait. Merci. Ok. Alors, Edna, tu vas t'éveiller à ce moment-là. Donc ça va tourner l'attention de ce monsieur que tu vois. Il te tient dans ses bras. Hein, il t'a redressé un petit peu et il essayait de te faire de quoi, les premiers soins. À l'attouchement. Et à ce moment-là, alors qu'il tourne la tête vers toi, il te voit s'éveiller, tu aperçois le bras de Daria qui, pouf, elle lui pose un pendentif sur le coin de la tronche. Mais qu'est-ce que vous faites? Pas de fumée, il n'y a pas de brûlure, rien du tout. Par contre, il lâche Edna qui va se recogner la tête sur le pont. Ah non, je la rattrape, je suis à côté. C'est un peu compliqué vu la disposition. Je peux faire un jet derrière lui. Non, tu ne peux pas. Excusez-moi, madame, mais pourquoi vous faites ça? Mais vous êtes tous tarés, ma parole. Ça va, Edna? Ça va, c'est un lycanthrope. Non, c'est bon. Je prends une bonne respiration de soulagé. L'attitude assez sur les nerfs de Daria se calme un petit peu. Je mets ma main sur les yeux et je fais un nom de la tête. Je peux plus. Et qui est ce monsieur? Pourquoi est-il avec nous? Et qui est-il? Il est garde forestier, il surveille la forêt, tu sais, il fait son travail. Il est arrivé quand tu étais évanoui, d'ailleurs, moi aussi j'étais avec lui quand même. Vous allez entendre les sirènes d'une ambulance qui a l'air de se garer sur le parking qui se trouve un petit peu plus loin. Bon, et ils sont arrivés, c'est bon. Et vous venez tous avec moi là. On va vous faire un check-up, madame. Et il te regarde, arrive, et vous, pas d'autres conneries dans ce genre-là. Hein. Et j'ai pas entendu la fin. Pas d'autres conneries dans ce genre-là de vous. On se calme maintenant. Tout le monde se casse de la forêt. Oui, mais suivons monsieur, hein, c'est peut-être le froid. J'ai du mal avec le froid, j'ai une digestion fragile. À midi, nous avons mangé des haricots. Et je les digère très difficilement, alors. Je confirme. Vous allez donc tous vous éloigner avec ce pauvre garde forestier traumatisé. Je laisse pas ma moto ici, hein, je la pousse à côté de moi. Oui, bien entendu, de toute façon, il va te demander de dégager ton tas de boue de sa forêt. Mon tas de boue, et déjà, c'est pas sa forêt déjà. Hein. Ricky, tu vas t'en tirer pour $500 d'amende. What the fuck? Daria, tu auras juste un avertissement sur les épées. D'ailleurs, il te donne un avertissement comme ça, mais il est un peu toujours des épées. Bref. Et Edna, tu vas avoir un check-up de l'ambulance. Les ambulanciers vont trouver que tu as un teint très livide et te demander si tu es sûr que tu ne veux pas venir faire passer une petite nuit en observation à l'hôpital. Tu n'as pas l'air bien. Non, mais je pense comme d'habitude que c'est un manque de fer. Chaque année, à la même période, il faut que je prenne des substituts alimentaires. Alors, bon, si vous c'est avez un moment, une, c'est ça, hein. Une condition particulière, madame? Une condition, qu'est-ce que vous appelez une condition? Des allergies, une maladie héréditaire, le visage, non, c'est normal? Non, absolument pas, monsieur, non. Moi, je suis à côté, c'est... Non, c'est rien, c'est un petit évanouissement, puis il fait froid, j'ai mal digéré, bon... L'arthrite, hein, ça... L'arthrite estomacale, oui. Écoute, écoutez, c'est une amie qui est très chère, on veillera sur elle. Y a pas de souci, elle passera la. Si tu veux bien, Ena, tu passeras la nuit chez moi, et comme ça, oui, on verra si jamais il y a un souci. Ah bah parfaitement, je te remercie. Non, mais tout est très cher aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Ah oui, tout est très cher, effectivement, même les amendes. Hein. Ah, bon, oui. En même temps, ils pourront peut-être se payer d'autres gardes forestiers avec ça, et je m'en vais. Hein. Vous allez pouvoir repartir après ça, bien entendu. Edna, il y a juste un truc. Je vais aller serrer la main quand même de notre providentiel garde forestier, on ne sait jamais, hein, ouais. Si on a besoin de revenir. Je vous remercie quand même, monsieur, hein, d'avoir participé à tout ça. Merci bien. Il te serre la main du bout des doigts, tu sais. Il vous trouve vraiment étrange. Moi aussi, si tu me le permets, maintenant que j'aurai une attitude beaucoup plus amicale envers le garde forestier, je saluerai, je dirai juste faites attention à vous ici, il se passe des trucs vraiment pas normaux. Et il te fait un signe de tête, il te répond pas vraiment. Tu sens qu'il met un peu de distance avec toi. Ouais. Il sent la peur. Qui est déjà parti. Et Edna, non, de ton si côté... J'ai pu partir, hein, s'il y avait de la pousse au côté, bien dedans, j'ai éclaboussé, rien à foutre. La prochaine fois, ce sera 700. Je suis plus à 100$ près, apparemment, même si Rajon repique l'amende. Et donc... Edna ? Oui. Tu quittes l'endroit et tu ressens au fond de toi un soulagement incroyable. Et tu te rends compte que bah, tu as une passagère clandestine et que c'est la première fois qu'elle peut quitter le lac. On va les récupérer un par un comme ça, on revient chaque jour. Dans ma tête, si je formule l'idée de récupérer sa mâchoire pour la rapporter à sa famille ou qu'elle soit enterrée aux côtés de ses autres restes, est-ce que ça l'aiderait ? Alors, plusieurs choses. Étant donné que vous êtes dans ce business, tu as peut-être eu affaire, surtout vu tes dons, à des esprits. Tu sais que les esprits qui hantent les lieux sont souvent ancrés à quelque chose. Donc ils ont une ancre, que ce soit un lieu en lui-même, un objet ou autre. Tu peux tout à fait imaginer que cette mâchoire soit l'ancre de cet esprit. Ce qui est très bizarre, parce que là, du coup, tu l'en éloignes sans aucun souci. Deuxième chose, tu sais aussi, de par tes compétences d'être humain, qu'aller toquer à la porte d'une famille en disant « Tenez, voici la mâchoire de votre fille », ça peut être un petit peu bizarre. Voilà, tu fais ce que tu veux de ces informations. Alors, je partage hein, le côté bizarre en tant que joueuse, mais pas Edna. Hein, donc... Après, Edna, elle est plus du style à aller retourner à la terre ou faire une effraction de la tombe pour mettre... Oui, c'est ça. Voilà, c'est plus le genre d'Edna. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc repartir tranquillement. Moi, je pense que j'aurais pu remarquer, même, enfin, pas forcément sur le coup, mais après avec du recul, qu'ils n'ont pas trop compris le coup du porte-clé. Et je me sentirais obligé, de par la proximité qu'on a, de leur expliquer quand même. De prendre un moment, une fois rentré à la maison, lorsque je range l'épée avec attention, tout doucement. Je rentrerai pas dans les détails et j'aurai toujours le regard vers le bas en fait, hein, assez gêné. Je leur expliquerai que dans ma famille, il y a eu un cas de lycanthropie et donc c'est quelque chose qui me met très facilement sur les nerfs. Et c'est pour ça que cette épée m'est très précieuse. Alors moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que m'a montré notre nouvelle amie. Et qu'effectivement, ses paires de yeux et tout, ça me fait penser aussi, et les blessures qu'il y avait sur son corps, ça me fait penser aussi à éventuellement des loups-garous. Je montrerai les poils que j'ai trouvés. Et par contre, la photo que les recherches de Ricky ont trouvée sur l'ancien tueur en série, ça correspond au visage que j'ai vu de par la vision d'un esprit ? Oui, aucun doute là-dessus. Et donc, ouais, je le raconterai, la vision que j'ai eue, d'une manière plus intelligible. D'accord. Bon, juste une dernière précision dans ma vision de la fille lorsqu'elle est arrivée au lac. Est-ce qu'elle a vu. Elle a vu personne dans le lac ? Non, à ce moment-là, elle était seule. Tu as pu comprendre que si elle a couru là, c'est que déjà, à l'époque, c'était un lieu de réunion, un lieu de soirée, donc elle pensait trouver de l'aide à cet endroit-là. L'aide n'est arrivée que trop tard. Ok. Moi, je leur expliquerai comme effectivement elle a protégé le jeune couple qui était dans l'eau. Et c'est son aide, finalement, c'est grâce à son aide si, visiblement, ils sont encore parmi nous et vivants. Et très gênée, et au bout d'un moment, je serais très gênée de vous dire que nous sommes quatre et non trois, comme à mon habitude actuellement maintenant. Toujours des passagers clandestins. Je pense que s'il n'est pas malveillant, l'esprit, les barrières mystiques du repère ne doivent pas l'empêcher d'entrer. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas statué ça. Ok, donc il peut passer. Effectivement, il n'est pas malveillant. Oui, je sens pas. Ils sont encore à l'hôpital ou les deux autres, ou ils sont rentrés chez eux? Il y a moyen de savoir ça ou pas? Il y a moyen de savoir ça. Les deux sont rentrés chez eux. Et ils ont fait un petit séjour à l'hôpital, plus parce qu'apparemment ils ont passé beaucoup de temps dans l'eau. Ouais. Mais ils n'avaient rien de grave, finalement. Ok. Tu essaies d'entrer en contact avec eux? Ouais. Moi, s'il reste du temps, j'irai acheter des trucs en argent et je les commencerai à les faire fondre. Oh, okay. C'est trop à chaque fois. Ça marche. On a eu vent, on a partagé les recherches de Ricky. Je pense que les noms de famille là nous évoquent quelque chose quand même. Ah bon? Oui, je pense que ça, s'il nous en parle, ouais, ça t'intéresse. Il a deux en futé, je pense que même lui il aurait quand même le. Oui, non, mais merci, oui, j'ai remarqué, merci. Hein. Je pense que effectivement on va aller parler à Tibi. Hein. Tibi. Petit Tibi, Alors, ton papa, il est pas là pour te protéger? Comment tu veux faire ça et comment tu t'y prends exactement? J'aimerais... Parce que là, le temps que vous avez passé là-bas et tout, vous êtes déjà en soirée. Ouais, bah c'est pas grave. Je lui envoie un message via les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, mais avec une adresse inconnue, bien sûr. J'aimerais lui parler comme quoi j'aimerais lui parler de ce qui s'est passé au lac. Donc je suis intéressé par les événements qui de ce genre qui peuvent se produire et que je peux lui proposer et que je suis prêt à payer pour son. Tu ne vas pas réussir à le joindre comme ça parce que tu vas bien trouver un ou deux comptes sur certains réseaux sociaux, mais ouais. Ils sont tous bloqués. Tu sens une personne qui a pas envie de spécialement communiquer publiquement ou être facilement joignable. Si, je parle bien de Tibi, hein. On est resté sur lui. Oui, on parle l'instant. De Tibi, bien sûr. Hein. J'essaierai avec Allison aussi. Tu vas trouver. Aussi en inconnu, hein. Attention, hein. Ouais, ouais. On a une adresse. Voir si elle est d'accord, je suis prêt à payer pour son témoignage, si on peut se rencontrer. Fais-moi un petit test de charme, s'il te plaît. Oula, attention. Est-ce que vous êtes prêt pour le fumble? Ah là, c'est bon, allez. Ah. Okay, ton message soir... est parti, pas de problème. Hmm ton message est parti, pas de souci. Ok, ah ouais. Il est parti. Voilà, c'est tout. Et je pense que si j'ai pas de réponse, je propose aux autres, s'ils veulent retourner de nuit au lac, on aura peut-être moins d'emmerdes. Alors, avant ça, bah déjà, moi, en RP, je serai très avenant vis-à-vis d'Ednal, donc j'ai conscience qu'elle a un esprit, donc je serai au petit soin si jamais elle a besoin de manger, de boire, d'avoir des médicaments, des fortifiants ou quelque chose. Sache qu'elle est la bienvenue, qu'elle a demandé. Et par contre, moi, avant d'y retourner, je penserais qu'il serait plus sûr de savoir précisément ce qu'on a à faire. Donc, de par les poils, je vais commencer à faire des recherches dans la bibliothèque occulte de mon repère. Ça, pour identifier plus précisément la créature et savoir ce qui pourrait lui faire du mal, surtout. Alors, avec les poils, j'ai besoin de savoir comment tu fais tes recherches. Parce que juste des recherches dans les bouquins, ça reste des poils. Donc, c'est... On va les analyser, ça peut se faire. mais tu peux avoir que des infos assez courtes, parce que tu vas surtout essayer de voir par rapport à la longueur du poil et la teinte, c'est assez alors, vague. Déjà, les traces de griffes, est-ce que ça j'ai pris des photos, si je les compare avec des traces de griffes d'ours qu'on peut trouver sur Internet, est-ce que ça me paraît réellement ça, ou non, c'est vraiment pas. Des... Non, absolument pas, tu vas très très vite le voir, tu avais raison hein, quand tu parlais au garde forestier. Tu sens que il le savait, que c'est pas des ours. Mais c'est plus facile de se dire ça. Ok. Ben, vis-à-vis de ça, et vis-à-vis du fait que c'est donc une personne qui donne des morsures et arrache des mâchoires inférieures d'un coup, alors qu'ils ont une forme humaine. C'est ces éléments-là. Ok. Fais-moi un petit jet donc pour enquêter sur le mystère. Avec le plus un de ma... bibliothèque. Ouais. Oh là là ! Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Quel type de créature il s'agit ? Ouais, quel type de créature c'est ? Déjà en premier lieu. Alors... Bien sûr, j'ai plus les trucs sous le nez, c'est pas grave. Tu vas d'abord trouver pas mal de choses qui ressortent de tes recherches, qui t'amènent vers les loups-garous, bien évidemment. Pour finalement, en comparant les tailles de griffes et un truc tout simple, la nuit où c'est arrivé, c'était ni la pleine lune, ni la nouvelle lune, ni rien du tout de tout ça. Ok. Pour Wendigo. Te rapprocher plutôt des Wendigo, effectivement. Parce que ça nous ferait tiquer avec le froid qu'a eu Ricky et ce que son nom a parlé, le garde forestier. Complètement. Et donc, les autres questions que je peux poser, c'est mais qu'est-ce qui lui ferait du mal ? Qu'est-ce qui peut le blesser ? Alors, qu'est-ce qui peut le blesser ? Le feu, déjà. Le feu ou une source de chaleur approchante. Tu vas aussi trouver que ce qui peut le blesser, mais c'est un peu plus complexe, c'est lui faire ingérer du suif, mais du suif chaud. C'est quoi le suif déjà ? C'est le résidu de graisse brûlée. Oh, on va tous s'enduire de suif. Mais faut que ce soit ingéré et chaud. Faut donc... qu'il ingère. Je veux pas être ingéré. Il faut qu'il soit chaud. Et du coup, tu vas aussi creuser tes recherches. Alors, comme la dernière fois, tu vas y passer une partie de ta nuit. Ok. Je les commis. S'ils sont proches, les autres, je leur dis. S'ils partent, je leur envoie des SMS. Je tiens au courant. Ça marche. Non, moi, je reste là. Et au pire, si j'ai encore du temps, je vais faire encore. Je suis un peu sur les réseaux sociaux, mais vu que j'ai pas de réponse, je pense que si t'as besoin d'assistance, je t'aiderai. Donc, feu, ingestion de suif. Et tu vas en apprendre un peu plus sur les Wendigo au passage. Sur le fait qu'ils possèdent un cœur en glace. Et que si ce cœur est détruit ou arraché, la créature meurt. C'est dans mes cordes, ça. J'ai droit qu'à deux questions avec le 13, ou... Qu'est-ce que ça dit déjà pour le... Parce que je vais la liste des questions, mais je sais plus exactement combien de questions j'ai. Je crois que c'était deux, hein, seulement. Je crois, mais je suis pas sûr. Je sais plus si c'est deux ou trois. Faut que je regarde. En tout cas, je sais que j'ai gagné deux en réserve. Ça, je garde. Pendant ce temps, Ricky, je t'expliquerai pour la mâchoire. Il faudra peut-être qu'on fasse un petit tour de plongée au lac. J'avais tout préparé pour, mais disons qu'il y a eu un trouble fait. Oui, oui, bien sûr. Et oui, c'est je suis encore exaspéré par ça. Ok. Mais moi, je proposerais d'acheter de la graisse animale. Je suppose que ça va pouvoir se trouver quelque part. Et... Oui, le suif, on trouve facilement. Un peu de graisse d'acheter un bon réchaud. La Grèce doit faire pas le nord avec des cèpes. Voilà, allez, allez. Dans la camionnette de pizza. Parfait, bah oui, c'est parfait. Avec le réchaud. Et ouais, je vous proposerai par la suite, après je sais pas le temps qu'il me laisse, mais de fabriquer des torches. Les torches, ouais, je vais m'enseigner en fait. Donc Edna, toi de ton côté, tu fais quoi? Ben moi je vais faire un peu tour opérateur. C'est-à-dire que je vais balader mon esprit. Déjà, si je peux obtenir dans les journaux son nom pour communiquer avec elle, tu sais, dans... Je sais pas si je peux avoir accès au journal local, aux archives, au moment où il y a eu l'affaire, pour savoir comment elle s'appelle, cette jeune femme. Et puis, bah voilà, essayer de la balader un petit peu à différents endroits et voir si elle est d'accord pour s'allier avec nous pour essayer de résoudre l'affaire des Wendigo. Je vais aussi lui dire que je suis très étonnée. Parce qu'apparemment, elle a sauvé la vie du fils de l'homme qui l'a tué. Tu n'as pas une communication aussi facile. Aussi facile, mais tu arrives à faire passer des choses. En fait, c'est surtout le retour qui est compliqué parce qu'elle ne parle pas. Mm-hmm. Mais tu as des ressentis. Et là, le ressenti qui en vient, c'est l'étonnement. Et apparemment, elle ne savait pas du tout que c'était son fils. D'accord. J'essaye de lui faire passer le fait que ça montre à quel point c'est une belle âme. Et à quel point elle a dépassé tout ça, quoi. Et qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse être libérée de ce lieu. Tu as trouvé son nom. C'était la dernière victime. Je vais quand même te demander un petit jet d'investigation sur Mystère. Bien sûr. Mais tu vas trouver son nom. C'était la dernière victime du tueur avant qu'il se fasse attraper. Et elle s'appelait Nina Douglas. Ben voilà. Et ben non. Tu ne vas pas en apprendre plus. J'ai peut-être un peu de temps. Tu veux que je t'aide peut-être? tu fais quoi? C'est pas comment tu vas faire côté, ça à l'intérieur. Là, la soirée, c'est cool. On est dans la nuit. Daria est toujours dans ses recherches. Et qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je demande à Edna si je peux aider sur quelque chose, parce que à part attendre la réponse ou retourner sur place pour moi, mais apparemment il faut qu'on attende le lendemain, ce que j'ai compris. Mais moi j'aurais été chaud pour retourner sur place ou alors pour aider Edna quoi, si elle a une idée. Soit on fait des recherches sur Nina, et je pense que tu es beaucoup plus intelligent que Ricky. Et tu trouveras beaucoup plus facilement. Soit, effectivement, on retourne chercher... Si tu me donnes un nom, je cherche. Ok, ben je te donne Nina Douglas. Tenter. Vas-y. On n'est pas sûr. Tu fais tes recherches de ton côté là-dessus. Allez, ça va échouer encore une fois. Sois pas pessimiste comme ça. En fait... C'était toi qui avais sorti cette histoire de serial killer, de toute façon. Donc tu vas juste creuser un petit peu dans les vieux articles. Et donc Nina Douglas, c'était une étudiante. Elle a disparu. À un moment donné, il y a eu des recherches de lancer, bien entendu, parce que ce n'était pas la première à disparaître. Mais il y avait toute une série de disparition, sauf qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas arrivées d'un seul coup, d'un seul tenant, comme là ça a été le cas, mais bel et bien au fur et à mesure. Donc il y a eu une grande chasse aux kidnappeurs, parce que généralement il attrapait des jeunes garçons, filles, peu importe. Ok. Et jeune étudiant ou jeune Ça n'a pas l'air d'avoir eu une grande incidence. Des jeunes. Ouais. Okay. Et en gros, Nina Douglas a disparu bien une semaine avant d'être retrouvée morte sur le lac, dans les mains du tueur, justement. Ah, dans ses mains ? C'est le moment où ils l'ont attrapé. Ouais. Il venait de la tuer. D'accord. Et tu vas avoir quelques détails supplémentaires. Il venait de la tuer, apparemment, et il était en train de la manger. Cru. Ils ont dû s'y mettre à beaucoup pour l'arrêter. Il y a eu pas mal de blessés. Mais ils ont réussi à l'attraper. Il est toujours en tôle ? Justement. Vu la réussite que tu viens de faire, ouais. Tu vas te rendre compte que en remontant de nom en nom, d'article en article par rapport à cette affaire, apparemment il s'est évadé il y a une semaine de ça. Bah, je crois qu'on a notre gars. Hein, ouais, bah je donne ces informations. Hein. je suppose qu'il se cache dans le coin. Je sais pas si j'ai encore le droit à un peu de recherche, mais est-ce. Là, t'en as déjà fait un bon moment. Vous êtes au milieu de la nuit, oui, hein, voilà. Il doit être 2h du mat. Quelque chose comme ça. On va dormir alors. Moi, une fois que j'ai fini mes recherches, je leur dis que je suppose que ça va prendre 20 minutes. J'ai pu me renseigner sur les. Il y a des chalumeaux portatifs. Des torches à l'acétylène qui peuvent faire dans les 3100 degrés, qu'on peut acheter dans n'importe quel truc de bricolage. Certains sont pas très lourds, t'as juste une petite bonbonne à transporter avec une lance et un pistolet. Enfin, avec un câble qui mène à un pistolet-lance. Moi, je supposerais que demain, je limite, j'irai en acheter 3, quoi. Ouais, ça marche. Puis, quand vous vous ferez arrêter par un garde forestier, vous direz que c'est pour chauffer les pizzas. Oui, puis c'est pas illégal. Et ouais, demain matin, moi, la première heure, dès qu'on peut, j'irai acheter donc 3 chalumeaux et des bons sourds remplis de graisse animale pour pouvoir faire du suif. Ok. Pas de problème. Quand on était sur le parking, fameux parking de là-bas, quand on est reparti, la camionnette du garde-chasse, elle était là-bas aussi ou pas ? Non, pas du tout. Tu sais qu'il y a au niveau des bois, il y a plusieurs endroits, des petits parkings comme ça qui sont le long de la route. Donc il a pu être à l'un ou à l'autre parce qu'après il parcourt les lieux, quoi. Oui, non, c'était juste. Ouais, ok. Tu peux savoir par contre qu'il y a des petits abris dans la forêt, justement. Parce que des fois, ils sont amenés à rester sur place la nuit. Donc il y a des petites cabanes, genre petites cabanes de chasse qui vont se trouver dans le coin. Ok. Ah oui, donc ça peut être un refuge pour l'autre qui s'est évadé que ça. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas ce monsieur. Ok, je regarderai demain s'il n'y a pas une map, ou est-ce que je peux trouver sur une map s'il y a peut-être, ils sont localisés peut-être ces cabanes sur une carte du coin. Et il avait une insigne sur son costume, sur son uniforme, le garde-chasse ? On a eu son nom ? Il avait un insigne, mais il n'y a pas son nom d'affiché dessus, effectivement. Il nous l'a pas donné. Non, mais je pense qu'il doit être sur le procès verbal à $500 de Ricky. On peut faire des recherches sur le nom s'il est pas déjà 3h du mat. Non, je pense que si là il est tard, je crois. Oui, mais c'est une bonne idée, hein. Ouais. Et ce monsieur s'appelle Daryl Palmer. Ben, doudou, course, et après je propose des recherches sur Daryl Palmer. Ben, avant même de dormir, si tu as émis l'hypothèse d'aller voir, Ricky aura eu la présence d'esprit de se dire, tiens, mais ce nom je le retrouve dans les articles parce qu'il a fait partie des gens qui ont capturé le serial killer. C'est le père de Laura Palmer ou pas ? Ça, l'histoire ne le dit pas. C'est ballot. Donc voilà, je te dis qui c'est. Oui, moi quand même, je me pose une question, Ricky. Je me pose une question quand même. Notre Wendigo, là, le serial killer, le père, il serait pas venu tuer son fils quand même. Tu vois là où ça. Même c'est si c'est. Ça qu'il est encore en vie, son fils. Et la personne qui était avec lui est peut-être pas à cause de l'esprit, en fait. Ah, Edna, tu es certaine que non, ils ont été vraiment protégés. J'ai balancé ça comme ça. Pas de soucis. Mais ça se tient, on voit que tu es intelligent. Tu n'es pas que beau, charmant, avec une grosse moto et une grosse guitare. Mais Je pense quand même que c'est notre amie Nina qui l'a protégée de... Non, je pense que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Toutefois, je me pose quand même la question de la présence du fils et du père. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose dessous. C'était à combien d'années, tu nous as dit, quand il s'est fait arrêter ? 15 ans, tu nous avais dit. Hein. Il y a une quinzaine d'années, ouais. Et il a quel âge, Timmy ? Ouais, c'est ça. C'est son fils, il a quel âge ? Vu que j'étais sur les réseaux sociaux. Hein, oh, il doit avoir 17 ans, à peu près. Ça se trouve, il... Ouais, j'allais dire, ça se trouve, il s'aime pas qu'il a un fils, mais... C'est... On recherche son état civil ou quoi ? Il y a vraiment le nom de son père, donc c'est vraiment Geoffrey ? Oui, c'est peut-être même dans de vieux articles, hein, Ricky, tu as pu apercevoir la photo d'un Tibi, mais bien plus jeune, dans les bras de sa mère. Elle et la maman, elle s'appelle comment ? La maman s'appelle Madame Shannon. Elle est toujours en vie ? Apparemment, oui. Et vous ne trouvez pas mention de son décès quelque part, en tout cas. Très bien. Bon, bah, faudra être discret demain quand on retourne là-bas, hein, parce qu'il va me faire chier sinon à nouveau. Moi, je vous proposerais d'être sincère avec lui, hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui a connu ce problème-là, on a des informations, on peut lui dire qu'on vient pour aider, ça évitera tes... Et qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va dire que c'est pas notre boulot et il va nous appeler les flics ? Ben, je pense qu'il est assez désemparé, le gars, hein. Donc peut-être que si on prouve qu'on est capable... Et que tu te montres charmant, il y a des chances qu'il accepte notre aide. Et que tu gardes ta moto au parking, comme c'est la loi. Il n'y avait pas d'interdiction de marquer. Hein. J'essaye de me connecter sur Radio Spirit et de voir avec Nina si elle n'a pas des petites informations. On va dire entre guillemets croustillante, si elle n'a pas vu quelque chose d'assez insolite concernant le garde-chasse un jour où il aurait été seul près du lac, que je pourrais lui dire discrètement, à l'abri des oreilles indiscrètes, pour que ça accrédite notre histoire. Fais-moi un test de Word, s'il te plaît. Oh. Ah, voilà, voilà. Tu vas voir quelques rares images où le garde forestier passe sur le lac pour faire partir des jeunes qui font la fête un petit peu trop bruyamment, un petit peu trop longtemps. Et à travers ça, tu vas comprendre que il a l'air de pas aimer le lieu, cette clairière, et il l'évite au maximum. Il y va seulement si son boulot l'y oblige. C'est tout ce que tu en ressors. Elle a un a priori négatif de cet homme. Tu ne ressens aucun a priori, quoi que ce soit, okay. Sur cet homme. D'accord, très bien, merci. J'annonce que j'ai parfaitement échoué à mes camarades. Très bien. On peut faire l'ellipse dodo, si tout le monde est d'accord. Oui. Alors, deux petites secondes, petit AFK, j'arrive. Petit conseil, je crois que vous gagnez vous aussi des points de réserve hein, quand vous faites des 10 plus. Et ça peut être sacrément utile, ça. Je sais même pas ce que c'est que ces points de réserve. Je regarde dans les règles, mais je crois que ça te fait passer un test automatiquement, ou alors tu peux mettre un plus 1 à TG, je regarde. Vous allez donc tous vous coucher, c'est ça ? Moi, oui. Oui, moi, oui. Je suppose qu'on mange ensemble, mais après... Ok. Oui, on grignote, on mange des cèpes à la graisse d'oie. Et une petite précision dans le van, est-ce que, si tu nous le permets, observateur, est-ce qu'on peut faire, mettre des trucs de pizza, comme si c'était un vrai van à pizza, quoi ? C'est comme ça que je l'avais compris. D'accord, ça va. Ouais, voilà que ça. Que le bluff puisse marcher et que même on puisse s'en servir pour se faire bouffer, en fait. Ouais, je pense que vous avez pris un truc fonctionnel, hein, de toute façon. Ça va. On a véritablement un camion pizza. Ricky, c'est toi qui habites le plus loin. Hein. Tu rentres chez toi, donc, en moto. Oui. Et Tu vas aller te coucher. Et alors que tu t'apprêtes à aller dans ta chambre, tu vas entendre un bruit chez toi, d'un coup, alors que t'es dans le noir. J'attrape le premier truc qui me tombe sous la main et je vais voir ce que c'est. Tu vas le voir tout de suite. Alors que tu te retournes, oui. Et je cherche ma fiche. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ce suspense. C'est ça. C'est ça. C'était fait exprès, bien entendu. C'était pour le suspense. Tu bon, c'est ma lampe de chevet, la gueule. Hein. Oh là là. Vas voir cette femme qui est là. Et elle vient de s'allumer une clope. Ok, ça me paraît un peu bizarre, mais je pense que je vais m'en allumer une aussi. Est-ce que vous me voulez ? Donc, c'est ton boulot d'aller tuer des gens comme ça au hasard ? Non, seulement les cultistes qui ont amené des entités un peu néfastes dans cette ville. Je suis assis sur mon lit, je pense, à m'allumer une clope avec prêt à prendre sûrement une batte de baseball qui traîne sous mon lit ou sous. Et ce garde forestier, il va mourir parce que tu as décidé qu'il t'avait mis une amende et que c'était pas une bonne idée. S'il a rien à se si c'est pas une personne qui a un lien avec. Les choses qui se passent d'un point de vue négatif, je ne vois pas pourquoi. Tu as conscience que le fautif dans tout ça, c'était Tom, n'est-ce pas ? Celui qui a réussi à s'en aller. Oui, hélas, on n'a pas réussi à lui mettre la main dessus, mais bon, vous n'étiez pas innocent, vous avez fait ce rituel avec lui, vous étiez complice. Ah, c'est donc ça. Le héros a toujours raison, bien sûr. Tu vas me dire que c'est faux ? Je n'ai jamais rien fait de mal. Nous avons invoqué une entité avec des amis. Voilà. C'était sans doute une erreur, mais personnellement, je n'ai jamais tué personne. Et mais cette entité que vous avez invoquée a tué des gens. Et qui t'a invoqué, toi ? Quelle puissance te donne le droit de vie et de mort sur les gens. Ah, ça si je le savais. Tu vas te coucher donc ? Bon, ça dépend si elle est toujours là ou pas. Hein. Si tu tournes la tête un moment, elle est plus là. Ok. Et alors que tu te couches à un moment dans ton lit, tu vas te retourner et sous les draps, tu vas la voir encore une fois. Elle est tournée vers toi. Elle a le visage un peu renfoncé avec des morceaux de verre de pare-brise dedans. Ok. Je crois que je vais aller dormir sur le canapé, moi, ce soir. Donc, Ricky s'en va dormir sur son canapé. Tu vas passer une nuit pas la meilleure de ta vie. Mais au matin, il n'y a personne. Je m'en doutais un peu, mais oui. Voilà, voilà, voilà. Vous vous retrouvez tous pour le petit déjeuner ou plus tard, je ne sais pas. Oh, oui. Oh. Ouais. Moi, je vais bricoler mes gris-gris magiques là, histoire d'avoir des pierres qui, mes jujus, voilà, histoire d'en avoir qui produisent de la chaleur. Et une fois que c'est fait, je vais passer à Leroy Merlin acheter donc trois chalumeaux, trois torches à l'acétylène portative. avec plusieurs bonbonnes de réserve, limite une petite dizaine, hein, histoire de voir venir. Et je suis quelqu'un m'assiste, ou, qu'on achète du suif aussi au passage, de la graisse. Oui, Walmart, ça se trouve, je sais plus. Non, moi je vais accompagner Daria qui m'a hébergé en plus, donc oui, je viens t'aider pour tout ça. Oui, pareil, hein, si on veut faire les courses, je viens avec. Hein. Alors vous verrez que Ricky, il a une sale mine ce matin. Oui, je n'aurais pas parlé, hein, mais oui, j'ai une sale gueule. Je pense que je me serais pris un petit remontant au réveil. Hein. Vous n'avez aucun problème à faire vos courses. Et c'est des lances malléables. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, à mon avis, en plus c'est des petites, j'achèterai des petites bonbonnes. S'il fait froid, donc on s'habille avec des manteaux et tout, ça peut être, je pense, relativement dissimulable. Ok. S'il y a une fouille, tu le sens. Hein, si t'es palpé, oui, tu le sens directement. Mais sous les manteaux, je pense que ça peut là passer. Là, comme je le vois, j'imagine des espèces de ponchos plastiques, tu sais, qui peuvent couvrir bien les trucs. Ah ouais. Et la lance est malléable. Et c'est juste un coude. Enfin, c'est juste un câble inflexible en plastique. Donc tu dois pouvoir le mettre sous le bras. Enfin, voilà, sous la manche. Quoi. C'est une sorte de pulvérisateur. Enfin, comme je le vois. C'est ça. Cas. Ouais, c'est ça. Souci. Et où allez-vous? Par contre, ça fait 3100 degrés, donc fais attention. Ah bah, t'approches pas trop de moi avec ça. Mais je vous enfile à chacun. Hein. Oh, j'en ai pas besoin. Non, Ricky, il dit ça parce qu'il a l'habitude de faire des étincelles. Ah, ça a encore été passé, hein. Donc, vous imaginez Edna attifée avec le poncho en plastique dont elle aura mis la capuche bien serrée avec les lacets, avec le, elle aura bien tiré le cordon et dessous les bonbonnes rigides en train d'ouvrir de grands yeux hyper discrètes. Oui, les enfants changent de trottoir hein, tant que vous êtes en ville. Ah oui, Il y a quelques enfants qui pleurent aussi. Ah non, mais il y a pas que les enfants qui changent de trottoir. Hein. Eric qui pleure. Non, il change juste de trottoir. Il pleure pas. Hein. Excité comme une puce. Moi, j'aime les aventures. Si on achète des thermos, des trucs pour trimballer, donc des boissons conservant la température, on peut avoir sur nous du suif, donc tiède. Ouais, enfin, c'est... ça va pas durer 3 heures. Ouais, ça durera pas 3 heures, mais ça peut se faire. Ben voilà. Dans des gamelles. Tu sais, des gamelles de chantier, plutôt. Ouais, des trucs qui conservent un minimum la chaleur. Bon, je sais pas, que ça durera pas énormément, mais ça, voilà. Tu les fous sous le capot avec la chaleur du moteur, hein, c'est bon. Non, mais on va pas se trimballer dans la forêt avec le van, quoi. Va prendre feu. C'est pour ça que j'ai ma moto à part. Hein. Et ouais, vendu. Comme je dis, je m'applique sur avoir quelques jujus qui dégagent de la chaleur exprès contre les Wendigo. Oh, est-ce qu'on va dans la forêt ou est-ce qu'on essaie de trouver le fils de l'autre en forêt là? Ou la mère? Ouais, enfin la mère. Faut aller sur place. Hein. J'ai toujours mon équipement de plongée. Hein. Ouais. La question c'est est-ce qu'on y va de jour ou de nuit? Sachant que de nuit c'est plus dangereux, mais on risque moins de choses, de voir le garde champêtre peut-être. Apparemment tu voulais tout lui dire au garde champêtre alors. Sinon j'en tombe dessus, je vais pas aller chercher. Hein. Si on tombe dessus, je lui dis tout. C'est ça que tu me dis. Alors tout, tu lui racontes pas ta vie, mais lui dire qu'on est là pour aider, c'est d'être conciliant et d'en faire un allié, oui, voilà quoi, c'est l'optique. Qu'on est là pour l'aider à chasser une créature surnaturelle. Lui dire qu'on a compris que quand il nous dit que c'est des ours qu'il essaie des tailles de vivre comme ça, c'est qu'il essaie de nous protéger d'une vérité qui pourrait être dangereuse, mais qu'on est là pour l'aider à affronter cette vérité et de mettre un terme. Apparemment, c'est lui qui a aidé à choper Damer quand il bouffait quelqu'un, donc... Ou alors carrément. Sinon, tu peux vous lui avouer déposez, que tu m'as tué. Vous me déposez là chez le garde forestier. Moi, je vais le voir et je lui explique que je suis médium, que j'ai été mandaté par les amis de Nina et que je viens pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé, si ce qui s'est passé là c'est lié. Et je l'occupe pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Ça peut être une bonne idée pendant que tu vas faire un petit peu de plongette, équipe, récupérer la mâchoire. Ouais, on peut faire ça. On garde les Takiwalki, hein, même hein, qu'ils puissent aller passer sous la flotte, histoire que... Ok. Donc vous repartez pour le lac. Avec la suif, les chalumeaux. Je sais pas si j'arriverai à beaucoup parler sous l'eau, hein, mais oui. Non, mais qu'ils puissent faire un son. T'as vu que si jamais j'ai besoin d'aide en haut, que la bestiole ramène, je puisse faire un truc qui le fasse vibrer ou sonner, que tu comprennes qu'il faut faire remonter, quoi. C'est ça l'idée. Bon, bah allons en forêt, nous, allons au lac. Sur le parc. Et donc du coup... Et du coup, moi, vous me laissez au bureau des Rangers locaux. Ah, il sera sûrement dans une de ses nombreuses cabanes, je pense. Il est en patrouille, je suppose, dans la forêt. Il a un QG en... Ah oui, toujours. Ouais, ils ont un local, ouais. Ouais. Petite maison en rondin de bois. T'es sûr que c'est safe si on te laisse toute seule Non, en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est... Ah, c'est comme vous voulez. Je suis pas trop chaud de la laisser toute seule, quoi. Ah bah sinon, je viens avec vous. Hein. Ah oui, allons, tu l'occuperas. Et si jamais on tombe sur lui, voilà. Je lui ferai mon Yalaïus à ce moment-là. Et une fois garé sur le parking, que je fais chauffer la suif et que je la mets dans des thermos ou des gamelles qui conservent la température. Déjà, avant qu'on, une fois qu'on est là-bas, je vérifie aux alentours si je vois pas le garde, hein, déjà. Ok. Tu vois. Et de toute façon, on peut acheter des ponchos de camouflage, en fait, qui pourraient nous aider à être moins imperceptibles. Moi, j'ai des trucs un peu kaki, donc techniquement, c'était déjà le cas, mais ouais. Ça va. Je m'assure que le chalumeau puisse être dégainé et utilisé prestement si besoin est. Donc tu t'occupes de préparer tout ça pendant que Ricky check aux alentours. Tu check lui ça s'il est pas là. Non, tu ne vois personne. Je me prépare à plonger sinon après. Ok. Nous on est autour du lac. Vous êtes quand même sur le lieu, pas vous êtes pas resté sur le parking donc. Hein. Non, on a juste laissé. On a le temps de faire chauffer la suif puis après on y va. Ok. Donc vous regardez Ricky commencer à s'équiper pour plonger. On a perdu le dessin, en plus c'est dommage, moi je trouve. je te l'aurais fait vite fait, mais comme je savais pas où vous alliez, c'était. voilà. Oui. Alors. Et si tu me permets, pendant qu'il plonge, moi je ferai un saut de protection autour de nous, de moi et d'Edna. D'Edna et de moi, pardon, alors, histoire que si jamais. Autour de toi et d'Edna ou autour de l'eau directement, de tout le lac Tout le lac, je suppose que ça va prendre un bon petit moment quand même. Effectivement, ça te prendra plus de temps. Non, tout de 3 mètres de diamètre, juste un cercle de protection pour Edna et moi, quoi. Ricky, c'est l'élu, hein, il est protégé déjà. C'est vrai. On est sur la berge, on l'attend, et voilà. Magnifique pont, encore mieux qu'avant. Hein. Tu vis du progrès. Ouais, ça s'améliore à chaque fois. Hein. Ça demande un G, ou... je suppose. Pour faire ton cercle de protection? Ouais. Ouais, un petit jet de Word. Hop, la G. T'as sur le Wendigo. Alors, pour l'instant, tu as juste fait ton truc, ok? Tu as fait ton petit cercle de protection, comme d'habitude, au moment où Ricky saute à l'eau. Ouais. Ah, moi, elle est là, qu'une grande histoire d'amour. J'aurais laissé mon étui, hein. Okay. Contre, ils n'ont pas le droit de courir. Hein. Donc tu descends dans le fond de ce lac. Tu peux me faire un petit jet sur Sharp. Sharp ? Futé. Shark, il y en a dans le... Shark, ouais, plutôt. Ouais. Tu vas chercher un petit moment. Tu vas finir par trouver un, hein, mais au fond, il y a pas mal de débris, d'algues et autres. Donc tu vas sur un cadavre, hein. Tu vas pas y arriver tout de suite parce que c'est juste une mâchoire inférieure que tu cherches. C'est pas facile à trouver. Il est profond ce lac ? Il est assez profond, ouais. Donc ça va te prendre un petit moment et pendant ce temps-là, Daria, Edna, vous attendez, vous faites quoi ? Vous, sauf si vous faites rien, faut me le dire. Vigilance. On reste, ouais, voilà. Enfin, moi, je pense que j'essaierai de toujours regarder ce qu'il y a aux alentours, de vérifier la chaleur du suif. Moi, j'ouvre la connexion avec Radio Spirit, c'est-à-dire que je m'ouvre à tous mes sens et je les laisse ouverts aussi pour que. Tu vas surtout sentir que ta passagère n'aime pas être là. Ah, mais bah oui, ça ne m'étonne pas. Revenir là, comme ça, non, c'est pas bon délire. J'essaye de lui faire comprendre que déjà on essaye de récupérer sa mâchoire. Ouais. Elle comprend apparemment, hein. C'est juste, c'est vraiment le lieu. Non, c'est oui, pas, oui, je le comprends. Alors, je mets vos pions pour pouvoir leur mettre une taille relativement adéquate. Et alors que vous attendez, vous vous concentrez, vous essayez d'étudier ce qui se passe autour, vous allez entendre un hurlement au loin, dans les bois. C'est un cri humain. Masculin, féminin ? Masculin. Ça fait combien de temps qu'il a plongé, Ricky ? Oh là, ça fait peut-être 10 minutes. Bon, on va laisser Ricky faire ce qu'il est venu faire. Oh, vous avez ma guitare, là. Vous en faites quoi, là? On a surtout les bonbonnes et le suif. Bah, si Anna a dit oui, ça me donnerait du courage, et ouais. Remonter, il n'y aura plus personne, quoi. Moi j'écris vite fait sur le bloc-notes et je laisse une. J'écris qu'on a entendu un hurlement, on va chercher, j'écris ça vite fait en abréviation et je glisse la feuille sous la guitare. Je suis un peu déçu, je croyais qu'elle allait graver directement le message dans ton étui à guitare. Je prends un couteau et je grave sur la guitare. C'est ça. Edna, là, c'est Lara Croft, hein. Elle se sent Lara Croft, hein. Bon, elle l'est pas du tout, même. Vous partez donc en direction des cris ? Ouais. Non, on fuit, on abandonne Ricky. Ah non, on part en direction des cris alors. Mais oui. Pardon. Ok. Croft a bien changé. Hein. Donc vous allez. Vous courez, vous marchez, comment ça se passe pour vous ? Ouais, je sais pas ce qu'on court. Ok. Vous allez arriver assez rapidement donc. Et vous allez arriver. Chalume au pré. Pas au niveau d'une clairière ou quoi, mais c'est un petit dégagement quand même, et vous allez apercevoir avant d'y arriver une cabane que vous savez être un de ces abris de chasse. Vous voyez de loin une porte complètement dégondée qui pend encore à moitié accrochée. Une Je sors le chalumeau, hein, prêt à être. Vous ne voyez rien d'autre pour l'instant. On a eu le nom du gars, donc tu m'as dit le garde-chasse, c'est Palmer, je crois, c'est ça ? Ouais. Oui. Monsieur Palmer, tout va bien ? Aucune réponse. Je propose à Ena qu'on fasse le tour de la maison pour voir s'il y a une fenêtre ou quelque chose qui nous donne une vision sur l'intérieur. 5-5. De voir ce qu'il y a dedans avant d'entrer. Tu verras Edna faire des signes militaires vers la gauche, vers la droite, elle est dedans. Hein. Alors attends, je vais modifier rapidos le. On se sépare pas. Hein. Celui-là. Vous vous êtes déjà séparés. Faites donc deux groupes de 1. Alors, parce que en dessous de la. Je vais faire une autre map. Je suis comme ça, moi. Et régulièrement, j'envoie des petits messages à Ricky, si jamais, pour voir s'il est sorti de l'eau ou pas, s'il peut nous entendre. puisse nous retrouver facilement une fois qu'il sort. Alors, voilà la cabane. Tu l'as fait où ? Juste en dessous, tu descends en fait de la map. Ah ok. Voilà la porte. Et il y a deux fenêtres. Pour le coup, fenêtre de gauche. Je vous ai fait. Je vois pas la map. En bas. Descends. Descends juste droit devant. J'ai grandi la carte. Oui, pardon. Merci. Alors, vous sortez donc, il y a ces arbres un petit peu partout autour. C'est beau. Et je vais remettre vos pions, hein, pas la peine. Non, remarque, vous êtes plus là-haut. C'est important tout de même. Vous êtes arrivé par en face. Donc si vous faites le tour, vous allez... Si je vois une fenêtre à gauche, moi je vais directement... Il y a une fenêtre, ouais, juste sur la façade. Ça te donne la vue sur une petite cabane assez fonctionnelle. C'est une seule pièce. Alors il y a bien un petit compartiment pour les toilettes qui se trouvent dans le fond. Mais sinon, tout est d'un tenant. Et il y a une sorte de lit de camp, un petit bureau avec une radio qui se trouve là. Et tu vois que tout a été saccagé et retourné. Et surtout, tu vois le corps d'un homme. Comme je n'ai pas de pion. Qui se trouve là. Juste au niveau de la porte, comme s'il avait essayé de fuir. Il est dans une mare de sang, apparemment. Je peux faire... voir comment ça pue, en anglais, c'est Read a Bad Situation. Ouais, bien sûr. J'avais des points réserve qui me restaient de mon belle recherche, là. J'en utilisais un. Je sais pas si ça file en plus un ou si ça réussit automatiquement. Je galère un petit peu sur les points de réserve. Normalement, c'est plus pour les recherches sur les questions, donc non, là, ça va pas compter à ce niveau-là. Après, ça dépend du résultat. Qu'est-ce que tu obtiens dans ces trucs-là? C'était quand j'ai fait des recherches sur qui m'a mis de trouver le Wendigo. Je cherche par rapport à la description de la manœuvre. Ça, c'est ton jet que tu as fait là ou c'est celui d'avant? Je ne sais plus. C'est celui que je viens de faire là. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je peux poser une question. Vas-y, on pose une question alors. Est-ce qu'il y a un danger qu'on n'a pas remarqué là? Tu vas entreapercevoir du coin de l'œil. La porte qui donne sur ce que tu penses être les toilettes, elle va juste comme se refermer. Elle était entrouverte et tu la vois se refermer. Je le dis à Anna, il y a encore quelque chose dans la chouette. J'allume le chalumeau. Ah oui, moi aussi. Et je pense que je vais ramener les toilettes. Il est vivant toujours. Attends, c'est peut-être Monsieur Palmer qui se cache dans les water. Hein. Mais il n'est pas en sang sur le sol, Palmer. Mais on ne sait pas qui c'est en bas. Crâne humain dans... Je vais identifier le corps qui s'est enfui, donc il est proche de la porte. Apparemment, c'est Palmer. Ok. Ouais, je regarde Enda, je regarde le chalumeau, je regarde les toilettes. Je vais aller voir, tu te tiens prêt. Si c'est un Wendigo qui est à l'intérieur, c'est pas une très bonne idée le contact. Je serais assez inquiète pour toi. Attendez, excusez-moi. Celui qui est au sol par terre, c'est Palmer. Oui. Ouais. Oui, non, j'avais compris celui qui est dans les toilettes. Donc, je rembobine et j'allume mon chalumeau. Ok. Et bon, bah, si va me que je te laisse. Est-ce qu'on envoie un signe? Est-ce qu'on dit quand même si, vous n'êtes pas Wendigo, sortez de là avant qu'on crame tout. Non. Alors que vous êtes en train d'hésiter devant cette fenêtre, la porte va littéralement éclater. Elle va voler à travers la pièce. Et la créature va en sortir. Elle ressemble à quoi? Alors, elle ressemble burn, à quoi? Baby, burn. Ça t'étonne parce que c'est pas un Wendigo. Pas à proprement parler. Il y a des caractéristiques de Wendigo, mais c'est pas tout à fait ça. C'est assez étrange. Et tu vas repenser à certaines des recherches que tu as faites, justement, qui te parlent de débuts de transformation ou de transformation un petit peu bâtarde qui surviennent si le Wendigo n'a pas tué sa proie. Okay. Je vais vous demander à toutes les deux agir sous pression, bien entendu. Ok. C'est sous... C'est tough ou sharp? C'est cool. Merci. Ah, c'est là où j'ai moins de un. Oui, c'est là où j'ai moins de un. Il y a un point d'XP. Daria, toi, tu vois donc cette créature qui éclate la porte et elle fonce vers vous. Qu'est-ce que tu aurais souhaité faire à ce moment-là? Le chalumeau puissance maximum. D'accord, ok. Ça marche. Donc on n'est pas dedans, hein. On n'est pas dans la cabane, donc on est toujours à la fenêtre. Elle se jette littéralement. Tu vas tirer avec ton chalumeau. Alors, il va se passer deux choses. C'est que la créature va prendre feu avec un hurlement et elle a une odeur. Tu la sens même avant même d'allumer le chalumeau. Elle pue la charogne. Sauf qu'elle va passer quand même et c'est une créature complètement enflammée qui va te tomber dessus, Edna. Oh shit. Edna perd. Elle bouge dans tous les sens. Elle a des bras assez disproportionnés, très longs, très fins. Et elle commence à cogner dans tous les sens parce qu'elle brûle. Elle pousse des cris et des gémissements en même temps. Alors, faut que je regarde. Alors, je signale, première chose, que je porte un poncho camouflage en plastique et qu'elle brûle. Donc, c'est moi aussi. Ouais, ça va rajouter un peu à l'odeur. Parce qu'on n'avait pas statué du coup au niveau des dégâts de cette... Par contre, j'avais la gâchette, on va dire, sensible, ouais, hein, ouais, sur le chalumeau. Ton agir sous pression, là en gros, tu vas juste balancer un gros jet de flamme, oui, sur le sol. D'accord. Si tu me le permets, de par le 14, est-ce que je peux, de l'autre main, faire des appels vraiment urgents via le talkie-walkie, le système de communication avec qui, pour qu'il débarque vite? Ben, qu'ils comprennent qu'il y a un souci, quoi, qu'on a besoin de lui. Ouais, ça marche. Là, oui, 14, t'as eu le temps d'appuyer, et puis dans la foulée, dans le même mouvement, t'as appuyé, tu appelles à l'aide. Edna, elle, commence à cramer la pelouse avec cette créature, et il faut que je regarde au niveau des attributs des armes, je ne sais plus. Parce que du coup, là, c'est une arme un petit peu improvisée. Alors, c'est violent, hein. C'est quand même 3100 degrés. C'est... Ah oui, bien sûr. C'est pas un lance-flamme. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais vu comment sont calculés les dégâts, tout ça sur... C'est le lance-flamme des dernières générations de chez le roi Merlin, je tiens à le dire, oui, quand même. Ça. Non, c'est pas un lance-flamme. Hein. En fait, c'est pas tant pour la créature que j'ai besoin de ça que pour Edna. Edna, de toute façon, elle va tourner sur elle-même. Elle va faire... Elle va faire une espèce de spin pas. Avec le poncho. Alors, Edna... Parce que les 3500 degrés, Edna, elle les sent aussi, là. Oui, c'est ça le truc. Edna, bah, tu vas déjà te prendre 3 blessures. La torche humaine. Tu vas te prendre 3 blessures et tu es en feu. La créature te tombe dessus, elle est assez lourde. Tu te retrouves en feu sous ce corps qui va commencer à arrêter de bouger. J'arrache le poncho, quoi. Ouais, je vais te demander un jet de cool. Non, pas de cool. pour éteindre le feu, non ? Te refroidir, ce serait peut-être pas mal. Non, un jet de coriace, du coup, pour essayer de te dégager de cette créature. Ok. Bah, ça a pas marché ? Pas encore, en tout cas. si. Non, pour l'instant, tu es coincé. Daria, tu vois ta camarade qui est en train de lutter et qui prend feu. Hein. Tu vas perdre quand même quelques cheveux. Hein, là. Oui, je me doute. Ouais, t'es déjà pas aidé. Et tes sourcils. La bonne nouvelle, c'est les 6 points d'XP. Hein. Oh là là. Ouais, à force de faire des échecs. On a pris notre premier niveau, on a pris 3. Donc Daria, tu fais quoi ? Parce que là, tu as poussé ton appel. Je chope le pied ou le bras d'Edda, ce qui est le plus éloigné de la créature, et je la tire vers moi pour la dégager de la créature. Tu vas essayer de la traîner par en dessous. Il y a la manœuvre aider quelqu'un, je crois. Donc je vais faire ça. Ouais. Je sais pas quelle... Attends. Quel caractère. Bah, c'est protect ce moine. Oui, ça dépend de toute façon de l'action que tu fais. Là, ça va être un coriace. Hein. J'ai moins un, youhou. Edna, tu es coincée sous une créature en feu, tu es vraiment en train de cramer. et je vais passer à Ricky. Je gueule, hein, vous puissiez l'entendre. Ricky Et moi je nage tranquille. Non, Ricky, tu vas finir par remonter en fait à un moment. Tu as trouvé cette mâchoire, tu es dans ton silence aquatique. Tu vas percer la surface au moment où tu entends dans ton toki qu'on t'appelle, il y a un problème, et tu vas entendre les hurlements. Ouais, si on a pu entendre et localiser les hurlements du garde-chasse, je crois que c'est pareil pour lui. Hein. Ah oui, complètement, oui. Tu vas entendre peu de temps après le toki. Je me dépêche de rejoindre le bord, je ramasse ma guitare, mon étui à guitare, et je cours vers là-bas. Hein. Alors, il va se passer plusieurs petites choses, parce que au moment où tu montes sur le pont, tu ramasses ta guitare, tu vas apercevoir des petits points lumineux dans les bois. Ah ouais, mais je les osef totalement. Hein. Tu les osef, tu essayes de passer pour rejoindre tes amis. Je sais pas de quel côté ils sont partis en fait. Nous entends, tu m'entends gueuler. Hein. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est par où je vais aller en fait. C'est, ça. C'est par où ? Bouge pas, je te ping ça. Ok, bah je fonce vers là, je sors ma guitare et sur le chemin, je commence à gratter sur ma guitare en gueulant « Tenez bon, Eric y arrive !» et je commence à fredonner une chanson en approchant. En gros, je fais une entrée en fanfare. J'avais bien compris. Ah. Tu chantes quoi ? Rick is coming ! Je ne vais pas chanter. Hein, Alors ça ne marche pas. c'est comme ça, il faut être RP ou pas. Hein. Mais je me sens démuni. Mais non, ça marche. Faut que je réussisse un beau gel, hein, vraiment. C'est un bof, mais ça marche. Tu dis qu'il y a une seule créature comme je le vois devant moi ou pas du tout ? Si tu ne vois qu'une seule créature, c'est que tu es aveugle. Il y en a 3 sur la map. Non, mais sur le chemin que je prends. Ah oui, directement là, oui. Bah, c'est celle-là que je vais obnubiler par ma chanson et en passant à côté d'elle, elle ne pourra rien faire parce qu'elle est immobilisée, elle est complètement abasourdie par ce son et ces paroles qui sortent de ma bouche dans cette chanson. Et donc je trace à côté d'elle. Ça marche. Tout en chantant encore. Et tant que j'ai pas arrêté de chanter, elle ne peut rien faire. Hein. Ouais, non, mais pour le coup, là, elle est assez étonnée. Par contre, mets pas ton pion si loin, mon ami. Jamais, moi, je... Alors, tu vas me faire un petit jet d'agir sous pression pour commencer. Yeah! Ok. Alors. Je peux faire des 10 comme tout le monde. En fait, tu vas réussir à tracer. Tu vois que les deux autres te foncent dessus. Oh ouais. Et elles sont très rapides. Ah merde! Ah oui, n'importe elles sont vraiment très rapides. Ah merde! Tu vas réussir à distancer. Ok. Sauf que à un moment tu vas trébucher Ah bon ? Tu as mis de la distance. Tu as quand même, entre ton entrée en fanfare que tu as fait en sortant du lac et tout ça, tu as réussi à mettre suffisamment de distance. Tu vas te rattraper. Mais ça laisse tout de même le temps à l'une d'entre elles d'attraper une énorme branche tombée au sol qui va juste te jeter dessus. Tu vas voir, ça va traverser juste au moment où tu tombes, tu lèves la tête et ça traverse l'espace au-dessus de toi et ça va t'arriver directement dans la tronche. Tu vas prendre 2 dégâts. C'est bon, pas grave. C'est pas grave par rapport à ton armure, tu veux dire ? Je ne sens rien. Si, si, tu les sens quand même. Tu te prends ça en pleine gueule. Ça ne tient pas compte de ton armure. Ah, ok. Ah, bah, faut me préciser ça, là, monsieur Voyon. Là, tu prends 2 dégâts. Tu n'es pas assommé, hein, mais tu l'as bien pris dans la tronche. Mais voyons. Tu te relèves et tu pars donc en direction des cris. Tu sais qu'il y a 2 créatures qui se trouvent derrière toi. Ah oui, non, mais attends, par contre, non, si je viens de me prendre un truc, je vais trébucher, elles vont me rattraper obligatoirement, là. Là, t'es à bonne distance, hein. Si elle a lancé quelque chose, c'est qu'elle pouvait pas te rattraper comme ça. D'accord, oui, bah alors je continue. Ça va vite, mais tu vas vite aussi. D'accord, là, ça va, oui. Putain, sérieux, mon armure, elle sert à rien, en fait. Si, mais ça dépend des situations. Là, tu te prends un tronc sur la tête. Tu peux avoir un gilet pare-balles, ça change pas grand-chose. Heureusement que j'ai fait un 9, hein. Et tu vas débarquer pour trouver en panique Daria qui est toujours en train de hurler, elle t'a pas encore vu arriver, elle essaye de tirer Edna qui essaye de se dégager en criant elle aussi parce que elle commence à bien prendre feu là. Ça brûle. Ok, bah tu me dis quand je peux. Et tu peux là, je viens de te, donner la situation. D'accord, bah je fonce avec ma hache, je vais pour, je sais pas ce que c'est cette chose qui est en feu. La chose a l'air morte. La chose a l'air morte, elle est couchée en flamme sur Edna. Ok, alors, non, par contre, là, je les vois, je sais que je suis poursuivi, il y a peut-être un arbre ou quelque chose, je me retourne pour la première créature qui arrive et je lui fous un coup de hache direct. Hein. Ok, donc Edna, tu peux te mettre 2 blessures de plus. Bah oui. J'ai rien compris, en fait, à la Edna est bloquée. La créature est couchée sur moi, même mon corps. Elle est bloquée. Ah, elle est bloquée sous une bête en flamme et elles ne sont pas assez fortes pour la lever. Ah oui, c'est pas grave. Non, je fonce la dégager. Ah, j'ai rien compris, je suis désolé. Ah non. Ah oui, non, je fonce la dégager. Ok, fais-moi un jet de coriace. Ok. Je décoche les blessures. Oui, attends, enfin, peut-être selon, pas. Attends. Selon le jet de coriace, on va voir ça. Tu peux en enlever une. Il va réussir à dégager la créature. Mais tu vas prendre une blessure. Et ils vont réussir finalement à t'éteindre entre toi qui roule sur le sol. Ils vont mettre de la terre ou autre. Mais t'es bien brûlé. Hein. Tu n'as plus de sourcils. T'as perdu une bonne partie de tes cheveux. Il y en a d'autres qui arrivent. Préparez-vous. Et je me retourne. Là, effectivement, vous entendez des grattements. Ça vient de derrière. Avec Mash. Et je commence à nouveau lancer du rock. Alors, tu as débarqué, tu as aidé, tu vas les voir arriver, et vous aussi. Je vais demander déjà quelles seraient vos actions, là. Vous pensez faire quoi ? Elles sont combien de distance ? Là, le temps que Ricky vous aide à dégager la première, elles sont pas loin. Tu entends au bruit, elles sont là dans 10 secondes. Hein. Je suis prêt à empaler la première qui arrive sur moi. 10 secondes, j'ai pas le temps de faire un saut de protection, je pense, donc je vais leur balancer un jus. Moi, j'arrose le roi Merlin. Ok. Donc toi, c'est attendre qu'elles arrivent pour allumer le truc. Non, dès que j'en ai une, non, je... Non, pas toi, je parlais à Edna. Bah, je suis au sol, ils viennent de me retirer la créature, je pense pas que j'ai la force de me relever, je vais juste arroser. Ça marche. Moi, dès qu'il y en a une qui est à portée, je la frappe, hein, c'est tout. Hein. Alors, il y en a une qui va agir en premier, et l'autre agira après toi. On va faire ça comme ça. Ensuite, ce sera à Daria, puis à Edna. Et la première arrive. Et tu vas me faire un petit jet. Bah, de casser la gueule, en fait. Bah, non, d'ailleurs, c'est toi qui vas agir, on va juste régler ça comme ça. T'as décidé de faire un peu d'XP ce soir, c'est ça? Bah, je sais pas, tu m'as dit je le fais le, j'ai dit moi je le fais. Oui, complètement. Okay, tu as raison, tu as raison. Alors, comment ça se passe là? Bah, c'est de la merde. C'est ce que je t'ai dit. Ça, c'est sûr. Bah, je vais prendre une claque apparemment. Ah oui, effectivement. Je sais pas ce que je prends comme dégâts. En fait, mais... la créature, tu l'attendais hein, de pied ferme pour lui mettre, ouais, un coup. Sauf que avec ses longs bras, elle va te prendre de vitesse. Donc ton coup va passer largement au-dessus et elle va se jeter sur toi. Ok. Et alors comme dégâts, parce que là tu es couché au sol sous la première créature. Tu peux te noter 3 blessures. Cette fois-ci, mon armure rentre en compte. Cette fois-ci, ton armure rentre en compte. Ok, merci quand même. Parce que sinon, je prends un autre talent, moi. Non, ce coup-ci, ton armure rentre en compte. Là, tu vois, elle est avec ses griffes. Elle te met des grands coups de griffes. Et la deuxième fonce vers Edna, vu la position. Elle va manger ici. C'est pas dit que je jouais avant. Ouais, tu vas jouer avant. Deuxième. Si tu veux agir par rapport à cette situation. Ben ouais, je vais utiliser donc un juju. C'est donc je lui lance le sortilège dessus. J'ai le plus intemporaire de par mon talent. Et ça fait quoi? Donc je t'avais dit que j'avais préparé des jujus dégagent énormément de chaleur en fait. Ok. Donc celles qui font sur Edna, je la flamme le plus possible grâce à ça. Ok. Edna, tu es pas bien, clairement. Tu t'apprêtes à lever ton arme pour appuyer et tu vas voir un jet de flamme en fait qui d'un coup part de la créature et elle va partir en flamme. Attends, on s'est pas bien compris. Elle crache le feu ou elle est en torche? Ah, elle est en feu. Ah non, d'accord. Elle est en feu, vraiment. C'est comme si elle se prenait un coup. Elle repart en arrière à pleine vitesse. Elle se prend un truc en pleine gueule, comme un cocktail Molotov, tu ne sais pas. Ça vient d'un coup, c'est... Et en gros, elle part à la renverse. Et elle va rouler sur le sol un petit peu avant d'arrêter de bouger, tout simplement. Et vous voyez, Ricky, lui, de son côté, a l'air d'avoir quelques soucis. Mais comme personne n'a l'air de vouloir réagir, non, Ricky qui a des soucis, fout, Ricky, ça va venir à toi. Moi, j'y vais, j'arrose. Hein. Tu... Quoi? Ok. J'ai que ça, quoi. Je suis à moitié des figurines. Très bien, fais-moi un jet de casser la gueule, s'il te plaît. Adieu, ma beauté. Jet de casser la gueule, tu peux lui mettre un moins un, s'il te plaît. À qui? Non. Edna, tu me lances un jet de casser la gueule à moins un, s'il te plaît. Alors, casser la gueule, ça se fait avec... Coriace. Oui, coriace. Oui. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Hein. Vraiment pas, là. Je regarde même pas l'écran. Peur. Alors, ce qui va se passer, c'est que voilà, tu as vu la première se faire éclater. Tu vois Ricky, tu cours dans sa direction et tu allumes ton chalumeau. La créature va juste sauter, se propulser sur le côté. Et tu vas juste allumer Ricky. Ricky, tu peux te noter 3 blessures. Ton armure, tu l'oublies encore une fois parce que là, tu prends juste feu. Je suis mourant. Hein. Mais non, loulou. Non, je suis vraiment mourant. C'est pas une connerie. Mais non. Bah si. Si, c'est noté sur ma feuille là. Je coche instable. Je Parfait. Coche. Il me reste un carreau de vie, hein, mais je suis en instable, crevant là. Ça va. On va terminer à l'hôpital. On a confiance. Ah non, j'ai plus confiance là. Et celle qui reste va te charger. Moi, je suis mort alors. Elle va m'attaquer encore. Ah, oui, je retire. Mais là, pour le coup, dans le mouvement, allez, ça va plus être Daria en premier qui va tenter quelque chose. Je pense qu'elle a une meilleure vision de la... Ça dépend de ton état en mourant. Tu peux encore agir ? Enfin... Ah, dis-moi, hein, pour le coup, c'est... Ah, j'en sais rien, j'ai jamais été sous cette situation. Faut que je regarde. Mourant. Enfin, instable. Mourant, c'est dans un point de vie. Merde, mais c'est où ça ? Pas moi. Point de vie. Gardien, non. Mystère, non. Je suis en train de regarder aussi, mais... Ouais, je cherche la bonne page. Dans tous les cas, pour le moment, pour accélérer un petit peu les choses, ce n'est pas trop un problème. Je considère que, après tout, tu es l'élu, tu peux encore agir, mais là, tu vas passer ton tour principalement à t'éteindre. Si tu ne le fais pas, tu prendras un dégât supplémentaire. Je me prends par terre, je éteins mes flammes. Enfin, mes flammes, non. Mais... Alors, Daria, tu peux agir. Si tu me réussis à agir sous pression, tu fais ce que tu veux. Sinon, ça va être un peu plus complexe. Oui. Tu peux donc, vas-y. Tu vois cette créature là, elle va foncer sur Edna. Quand je... Vas-y. Donc, c'est juste, ça peut être pire après. Magie. Ah. T'aurais dû essayer un juju pour soigner. Non, on laisse crever après. Ricky. Oh, mais tu es one ego, quoi. Tu vas l'éclater de la même façon que le premier. Hein. Ça veut dire qu'il explose sous les flammes. Ah, il peut, oui, là, sur un 14, aucun problème. Tu peux même nous décrire comment il part en flammes. Et le troisième, il vient. Je la vois bien qui se tient la tête, qui commence à. La fumée qui sort de sa bouche, de ses oreilles, ses yeux qui éclatent en fondant. Elle se tient la tête en couinant de douleur et son abdomen s'enflamme en laissant tomber ses tripes en fusion. À table! Ok. Et du coup, étant donné ton agir sous pression, tu ne vas pas voir arriver. Effectivement, Ricky avait raison. La dernière qui en a profité, elle, pour faire le tour et qui va te charger. Tu es occupé de l'autre côté. Edna, toi, étant donné que tu te retournes forcément vers la source de toutes ces flammes, tu la vois arriver alors que Daria est tournée dans ton sens. Elle ne l'a pas vue. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je crie en direction de Daria en montrant derrière elle. Derrière ! Alors, en gros, tu tentes de l'aider. Oui. Donc, tu vas pouvoir me faire la petite manœuvre, aider quelqu'un. D'accord. Oui, si, Coria se protège. Aider. Ah non, cool. Non, c'est cool. Autant pour moi. Ah bon, oui, je suis sûr. Oui, c'est cool. C'est cool, aider, c'est cool, faut être cool. Moi, j'aimais bien ce rôle-là. Hein. Oh, bah, j'écoute. Donc, non, bon. Ça va être trop tard. Elle te prévient, mais c'est trop tard. Bah, tout va bien. Tu vas te prendre un Wendigo sur le coin de la gueule. Vous allez rouler. Vous allez rouler un peu plus loin et tu vas prendre 3 dégâts. Ricky, tu es éteint. Tu peux agir si tu le souhaites. Là, tu me vois avancer vers la créature, la hache qui. Au sol, comme ça, et je vais pour assonner un coup de hache à cette créature qui est sur. Qui est sur Daria. Hein. Rien à foutre, hein. Là c'est bon. Ok, fais-moi casser la gueule, s'il te plaît. Tu vas rageusement abaisser ta hache plusieurs fois. Daria, c'est au-dessus de toi, toi t'as été un petit peu chamboulé parce que tout se passait bien de ton côté avant de te prendre un énorme truc dans la tronche qui t'a salement griffé. Tu as roulé boulet, tu perds un petit peu la vision de la situation pour entendre les hurlements furieux d'un Ricky qui massacre cette créature à coups de hache juste au-dessus de ta tête. Tu vas en prendre des morceaux plein la tronche d'ailleurs. D'ailleurs, oui, oui, parce que mon arme est sanglante, donc le sang gicle tout autour de moi, là. Tout à fait. Et il a une odeur bien particulière, ce sang, vraiment, et ça sent la charogne, là, dans tout. Rouge, cette sang. Petite clairière. Le sang est rouge, mais très, très pâle. Voilà, rosé, quoi. Ok, et je pense qu'après, je vais m'adosser contre la clairière et je vais me faire un premier soin, parce que je suis en train de crever. Moi, il me reste deux carreaux. Eh ben, il va falloir que tu te fasses des premiers soins parce que tu es en train de crever. Parce qu'en fait, si tu ne soignes pas ces blessures, elles s'aggravent avec le temps. Oui, moi, je vais soigner avec la magie. C'est la personne qui a l'air la plus mal en point. Ah bah, c'est Ricky. C'est Ricky, clairement. Mais visuellement, Edna est pas mal aussi. Hein. Vous Edna est pas mal, elle est très, très cher. Moins, elle est pas mal aussi. Elle fume encore un petit peu. Je vais aller dans la cabane voir s'il n'y a pas... du tulle, bétadine ou des trucs comme ça que je vais me foutre sur la gueule. Après y avoir tout de premier soin. Ricky, tu peux t'enlever un avec un premier soin déjà, ça c'est sûr. Ricky, toi aussi, tu vas constater peut-être plus tard, peut-être maintenant, ça dépend de l'attention que tu portes à tes cheveux, mais il va falloir que tu passes chez le coiffeur. Quoi ? Bah, tu viens de te faire allumer au lance-flamme. Mes cheveux ? Non ! Mes cheveux. Je vais tenter de la magie pour soigner Ricky. Ouais, bien sûr. Oh. Tu reprends un de plus, Ricky. C'est un de plus, ça ? Ok. Toujours en instable, par contre. Faut que je trouve des soins encore très vite. Ah bah là, vu votre état, il va falloir aller à l'hôpital, hein. Cette créature, je sais pas, n'importe laquelle, celle que j'ai hachée menu, elle est encore là ? Ben, il reste quelque chose ? Il reste plus grand chose, tu l'as vraiment hachée menu. Moi, si j'ai le temps, avant de les aider à se déplacer vers le van pour aller à l'hôpital, s'il y a, comme il a éclaté une créature, s'il reste des dents ou des griffes facilement prenables, je vais m'en saisir d'une. Oui, oui, tu peux, oui. Je vais faire ça, puis j'aide celui ou celle qui a l'air le plus mal en point à rejoindre le van. Ah bah moi je vais aller sur ma moto et je vais me casser d'ici. Hein. Ok. Attends, juste un truc, le feu est maîtrisé, Oui, c'est bon. Comment tu es en feu depuis tout à l'heure ? Non, pas mon feu, hein, je parle du feu qu'il peut y avoir dans cette forêt. C'est devenu le Ghost Rider. C'est arrivé à l'autre. C'est une nouvelle carrière. En grattant de la musique, c'est en mode oh yeah, it's me. Non, pas de problème, le feu est maîtrisé. Et là, la situation est devenue calme, donc vous partez à l'hosto ? Ah, moi j'y vais. Ah oui. Je fonce comme je peux. Hein, mais... Ok. Daria, de ton côté, tu les accompagnes ? Ah bah oui. C'est là que je dis, je récupère faire une. Un pique-nique dans les bois ou quoi ? Un trophée et moi je t'aide. Ça marche. Sur le chemin, je vous demanderai quand même si vous avez réussi à... S'il y en a un qui était celui qu'on cherchait, c'est-à-dire... Ben, j'ai craint que ce soit ses enfants et qu'il reste le principal. Oui. Oh, putain. Dès que je peux, dès que j'en trouve repère, je ferai des recherches à ce sujet. Il y en a un qui ressemble à Tibi. Ah ben, tu les as vus, hein, donc... Non, pas celui que vous avez carbonisé dès le début, c'est ça que je vous ai demandé. Si y en a un qui ressemble à Tibi. Il me semble que tous avaient l'air de bâtards. Je vais expliquer ce que j'ai pu comprendre, ce que tu m'avais dit, observateur, clairement. Que voilà, ils avaient l'air d'être des Wendigo pas finis, en fait. Bon, bah, à l'hosto, hein, je vais leur dire. Ah oui! On s'est pris du feu dans la gueule, là, apparemment. Vous n'allez pas avoir de problème. L'un des avantages de vivre là où vous êtes, c'est que les choses bizarres arrivent souvent. Et ben, ils posent pas toujours de questions à l'hôpital. D'accord. Tout du moins, quelques excuses, bidon, ça passe. Vous allez faire un barbecue soigné. À l'essence. Oui, voilà, un barbecue qui a mal tourné, ça passera bien. Hein. Alors... Mais j'ai besoin de soins, moi aussi, au fait, j'en profite aussi. Ça marche. Bah, toi, j'ai déjà, entre. T'avais combien de casques cochés ? Je regarde, t'en avais 3. Toi, ça va, tu vas pouvoir toutes les décocher. Je regarde les uns et les autres. Edna, tu peux redescendre à une. Ok. Et Ricky aussi, d'ailleurs. Vous repassez tous les deux à une et vous enlevez l'état instable. Ok, ça marche. Bon, je crois qu'on va rentrer se reposer, hein. Je t'avoue que... Ah non, bien, tous les deux, vous allez passer la nuit à l'hôpital, par contre. Oui, si bah alors regardez, je vais me reposer à l'hôpital. Peut-être oui. La visite nocturne de Hugo, on ne sait jamais. Ben, moi, je vais rejoindre la protection de mon repère et je vais étudier sur ça, sur les Wendigo pas finis, et dans le but de rechercher s'il serait possible qu'il reste le principal, en fait, le papa. Daria, tu veux bien passer nourrir les chats, s'il te plaît? Et oui, je fais ça avant de faire les recherches. Merci. Je change la gamelle de flotte, je donne la pâtée, je rafraîchis les croquettes. Merci. Ça marche. Fais-moi un petit jet, justement, de chat pour investiguer, s'il te plaît, Daria. Un petit jet de chat? Charme. Non, sharp. Ah, sharp, attends, mais c'est pareil. Donc j'ai le plus un de ma bibliothèque ésotérique. Bien sûr. Ok, tu vas trouver des choses relatives à ce sujet. Des gens qui ont été attaqués par des Wendigo qui ont survécu à l'attaque et qui se transforment. Oh putain, il y a moyen de contrer ça ? Là, pour l'instant, tu ne vois pas dans tes premières recherches avec ce qui s'est passé cette nuit. Et avec les recherches que tu es ce jour en train de faire, oui. Pendant le moment où tes collègues sont à l'hôpital, tu vas pas trouver encore. Tu penses que tu as peut-être moyen de pousser un peu plus loin, mais t'es épuisé. Ok. Ricky, tu es à l'hôpital. Lance-moi 2d6, s'il te plaît. Ok. Edna, je vais te demander 2d6 aussi. Désolé, Edna. Désolé. Oh, c'était bien. Mais on ne sait pas. On sait pas. C'est mauvais signe pour toi. Semblerait que le fumble soit avec les chiffres élevés. Ricky, tu partages ta chambre avec un petit vieux. T'as mis dans une chambre double. Manque de place ici. Et alors que tu commences à t'assoupir, tu entends les pages d'un magazine. Alors que tu te tournes dans sa direction, sur la chaise à côté de ton lit, tu vas revoir cette chère Béatrice. Eh bien, on dirait qu'on va voir ton vrai visage dans pas longtemps. Ça, je... Bah, je... Ouais, écoute, il est toujours là. J'ai perdu quelques cheveux, c'est vrai. Mais... Elle te sourit. Et à ce moment-là, ton ventre se met à gargouiller. Tu as faim. Terriblement faim. Et ? Alors, tu vas me faire un petit jet de Word, s'il te plaît. Ah non, pas ça. Ok. Tu, au moment où tu as vraiment cette faim qui te prend, tu vas tourner la tête de l'autre côté de la chambre. Sur le lit, il y a ce vieux monsieur, bien en chair. Et ça te met l'eau à la bouche. Vraiment, tu le sens. Je vais te laisser le choix. Ça, tu me laisses le choix. Et il faut que tu assouvisses ta faim tout de suite, là, maintenant. Et tu as envie de chair. J'ai vraiment envie de chair humaine, là ? tu peux soit te ronger une partie du bras et te cocher 3 blessures, soit manger cette personne que, après tout, tu ne connais pas. Quoi? Mais bah non, non, non, bah non, ça sera mon bras. Non. Ok. Edna. Oui, Mick. J'ai appelé une infirmière avec le bouton, tu sais. Tu es seule dans ta chambre. Mm-hmm. Fais-moi un petit jet de Word, s'il te plaît. Ah bah, toujours. Oh là là. Le double 6. Tu n'as absolument aucun problème. Au milieu de la nuit, tu vas juste entendre de l'agitation dans l'hôpital. Mais vraiment, genre branle-bas de combat. Des cris. D'accord. Aussi. Et c'est tout ce que tu vas entendre. Je me retourne de l'autre côté. Je me rendors. En plus, il est cuit à point, mon bras. Au matin, Daria, quand tu t'inquiéteras de tes camarades, tu appelleras l'hôpital. Apparemment, Ricky a été interné. Il aurait eu une crise de folie pendant la nuit et aurait tenté de se dévorer le bras. Ok. Je prends des nouvelles d'Edna par téléphone et si possible, je continue mes recherches. Je sais pas si Edna peut être libérée. Edna, tu vas la voir au téléphone, elle est en pleine forme. Moi, je vais bien, j'ai très très bien dormi, ça va mieux. Hein. C'est une guérison normale ou c'est une guérison très limite miraculeuse, accélérée? Non, j'ai mal, hein. Je suis brûlée. Hein. Il faudra mettre des pommades, il faudra que tu mettes d'ailleurs dans le dos, j'y arriverai pas toute seule. Ok. Non, je suis pas. Et je peux contacter Ricky ou... Ah, je non, sais pas. Ricky, il est à l'isolement. Ricky, t'as mis une camisole de force. Tu es dans une cellule capitonnée pour le moment. Super. Écoute, hein, c'était le destin, apparemment. Et on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. C'est la meilleure fin. Très bien, écoutez. Hein, quoi dire? Bah, on va réussir à te faire sortir de là. Ils vont bien, je peux plus me manger, ils vont bien laisser sortir après. Dis-nous qu'il a pas mangé son bras qui lui sert à jouer de la guitare. Ça, non mais je l'ai pas mangé entièrement. J'ai... Ça on ne sait pas. Même lui ne sait pas. Personne ne sait, avant la semaine prochaine. Ça a fait un douloureux et délicieux. Ça a commencé par une amende de 500 dollars. Ça finit en isolement. Putain, quoi. T'as fait beaucoup de jets de merde aussi. Hein, hein. T'as fait beaucoup de jets de merde aussi. Ah bon? Ah non, c'est moi les jets de merde. Ah oui, non, toi tu les as enchaînés, mais t'as réussi les bons au bon moment. C'était des moments pas trop graves, tu vois. Si. Ah si, quand même. C'était très grave, mais... Mais je voulais t'aider. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Je veux aider, mais... Oui, enfin, même si ça s'était bien passé, je vois pas comment tu m'aurais pas cramé avec la créature sur moi, quoi. C'est pas un bon jet. Ouais, sur un bon jet, ça se faisait. Hein. Mais là, le jet était vraiment catastrophique. Comme d'hab, oui. J'y croyais pas quand je pense que Ricky était en train de se débattre et il a vu arriver Edna avec un lance. Non. J'ai vachement hésité, mais en fait, c'est tellement. J'ai tellement dans le personnage, quoi. Oui, complètement. Et surtout, tu imagines Edna sans sourcils, la gueule à moitié cramée, toujours dans son poncho, tout serré dans sa capuche. En pleine nuit, qui te court dessus. En mode revenge total. C'est un esprit, là, qui me parle chaque nuit, là, c'est bon, là. Elle va être déçue. Elle pensait que j'allais tuer le vieux. C'est le karma à cause du meurtre de Béatrice, je pense. Non, je ne vois pas pourquoi. Bon, en tout cas, je suis content. J'ai défoncé 2 Wendigo. Enfin, 3 même, en fait. Très bien sorti. Ce n'était pas vraiment des Wendigo, mais oui, tu les as bien. Heureusement, on serait tous morts sinon. Enfin, pas moi, parce que moi je ressuscitais, donc c'est pas grave. Mais. Mais vous perdiez Edna, quelle perte. J'aurais mieux fait de rester dans mon lac, moi, putain. Et puis le coup de, il y en a un qui va sous l'eau tout seul, les autres en dehors, dans les bois. Alors que je me rappelle, Daria qui me dit encore, je prends des talkie comme ça, qui vont sous l'eau, comme ça on peut te prévenir si on part. Oui mais le temps, voilà, ils ont prévenu après, puis le temps que tu trouves, parce que ton jet était pas top pour trouver une mâchoire sous l'eau, ça prend du temps. T'aurais fait un bon jet, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Hein. Alors en vrai, t'aurais fait un bon jet, tu l'aurais trouvé tout de suite et tu serais remonté avant qu'elle parte. Ouais. Non, c'est pas pour ça que je dis ça, j'ai dit juste que j'avais un talkie-talkie. Un talkie-talkie. Voilà, qui est spécial sous l'eau que j'avais avec moi, mais on m'a pas contacté pendant que j'étais sous l'eau. Le talkie waterproof. Bah, c'est ce qu'elle a dit, elle a pris exprès des talkie waterproof. Oui, non, mais tu as entendu juste avant de remonter, t'étais dans l'eau quand tu l'as entendu. Hein. T'as entendu la fin bon de ton bon périple. Dès qu'il y a un problème, il a une excuse. Non. C'est vrai. C'est juste que tu m'avais pas appelé à toi. Attends. D'ailleurs, c'est juste parti en me laissant dans le lac, c'est tout ce que j'ai compris. Une petite mais question. Tu aimes ça, les lacs. Totalement anodine. Et n'y voyait rien derrière. Mais quelqu'un a pensé à checker les signes vitaux du garde-chasse? Bah non, je suis pas au courant qu'il était dedans. Moi. C'est-à-dire qu'on a un Wendigo qui nous a sauté sur la gueule, donc. Je demandais juste ça comme ça. Hein. Moi, je t'avoue que je savais pas que le garde-chasse était dedans. Hein. Et il va en devenir un lui aussi. L'autre, n'empêche que Radio Spirit m'a pas beaucoup aidé sur ce coup-là. Non. Il y a toujours sa mâchoire donc sur le pont qui va se faire choper par un animal qui passe. Hein ? Ça dépend. T'as remonté sa mâchoire dans la poche. Non, je l'ai mis dans ma poche. Oui, donc c'est ça fait partie des objets qui ont été confisqués à Ricky à l'hôpital. C'est ça. Hein. Je peux pas m'éloigner de Ricky en fait. Edna qui va au pavillon psychiatrique. Non, mais laissez-moi dormir devant sa porte. Toutes les nuits, elle gratte la porte. Ils vont être dedans aussi avec, c'est tout. Oui. Non, il va falloir que d'ici la semaine prochaine, on se creuse la tête pour savoir comment te faire sortir. On dit que c'est un problème de drogue, c'est une rockstar, voilà. Ouais. Pas mon destin de rester là, hein. Ma chance va me faire partir d'ici tout seul. Ah, non, c'est bien quand tu continues comme ça parce que c'est parfait. J'ai une bonne raison d'appeler papa. Parce que oui, je savais que t'allais en venir à ça. Je m'en doutais que quand ils vont apprendre que leur fils est en hôpital et en truc psychiatrique. Et a fait un séjour en hôpital psychiatrique parce que c'est un drogué. Oui, mais ils vont pas le laisser dedans. Hein. C'est pas bon pour l'image de la famille Beck, hein, je t'assure. Ils vont pas laisser passer ça. Hein. Attends, quand on est brûlé comme ça et tout, ça peut créer un traumatisme, mais tu sais pas comment un traumatisme peut avoir une influence sur une personne. Il peut y avoir un délire derrière, il peut y avoir plein de choses comme mode de réaction. Ils vont pas vouloir me laisser dans un hôpital. Mais oui, ils vont payer. Ils vont vouloir me mettre dans un Oh merde, Ricky va retourner au manoir familial, tu sais, mais enfermé dans sa chambre de luxe. Ça va être immonde. Et tu vas voir arriver le vin d'un pizza devant le manoir. Vous avez commandé une pizza? C'était pour une margarita. Bonjour monsieur Beck, nous vendons des pizzas, des bibles, des crucifix, des épées en argent. Il y en a beaucoup de Smith. Vous voulez un peu de graisse d'oie avec votre pizza?